Amis auditrices, amis auditeurs, bonsoir. Vous êtes à l'écoute d'une radio bizarre. Ben oui, une radio libre. Et c'est bizarre, une radio libre. Et locale. Et oui, depuis 42 ans. Alors, ce soir, l'émission, c'est Mosaïque. Alors, au programme. Alors, on va écouter un commentaire de Léon Zitrone, 1964, qui interroge les anciens du commando Kiefer. Vous savez, ceux qui ont précédé le débarquement. Hein? Et puis, qui étaient les premiers du débarquement, les premiers, les plus sacrifiés, disons. Hein. Alors, témoignage Léon Gauthier aussi, vétéran du commando Kiefer. Serge Faubert, pur politique, comment Darmanin, Le Pen et Ciotti essayent de nous embrouiller. Bon, ça n'a rien à voir avec les sujets précédents, hein, bien entendu. C'est une autre époque, voilà. Hein. C'est pas les mêmes problèmes qui sont posés et les solutions apportées ne sont pas les mêmes non plus. Voilà. Alors, musique Charles Trenet, Douce France, et puis 1981, La vie au caribou à Nanterre, archives de l'INA, Institut National de l'Audiovisuel. Alors là, c'est un peu long, mais bon, il y a de la matière. Hein. Darmanin est paralysé par la peur. Et puis, envoyé spécial police, message de la haine. Popek, la visite du musée, Popek, c'est un comique, hein, ouais, oui. En direct, point presse de la France Insoumise, NUPES à l'Assemblée Nationale, et puis une chanson de Jean-Yann, Si tu t'en irais, hein, voilà. Sembra un amabile leggiadro viso, in pianto il viso e menzognero. La donna è mobile, quasi un malvento, muda da cielo e di pensier. E di pensier. Sentesi felice a pieno, chi su quel seno non viva amore. La donna è mobile, quasi un malvento, nudo da cielo e di pensier. E di pensier. En ce lieu même où nous sommes ici, entre Hermanville et Colville-Montgomery. Et j'ai l'honneur de voir autour de moi les Français qui furent les premiers Français à prendre pied sur le territoire national. Vous êtes le capitaine de frégate Loffy, vous étiez le second de l'illustre commandant Kiefer. Voudriez-vous me dire à quelle heure vous avez touché le sol de France ? Eh bien, je crois exactement à 7h21, ici même, à Colville, à la brèche. Est-ce que ce fut plus dur ou moins dur que ce que vous pouviez supposer quand vous vous préparez en Grande-Bretagne ? Je m'excuse, je suis un peu ému. Oui, mais ça a été plus dur que nous pensions. On ne s'attendait pas quoi, à un tel accueil, quoi, un accueil de balles et de... Oui. Vous pensiez que les défenses ennemies avaient été détruites davantage que ne l'étaient. C'est ça. D'ailleurs, quelques temps auparavant, nous assistions au bombardement par les grands bâtiments de guerre, et je me souviens même d'une réflexion d'un de mes commandos, qui disait « Ah, qu'est-ce qu'ils prennent ?» Et finalement, ils n'ont pas pris grand-chose, puisqu'ils ont tiré à bout portant dessus. Et ma foi, je dois dire que tous ceux qui sont là aujourd'hui, eh ben, ils ont eu de la chance. Vous étiez combien? Le commando du commandant Kieffer, ça faisait combien d'hommes? 177. Et combien, je vous demande pardon de remuer ces souvenirs, combien périr? Eh bien, je crois que au pourcentage, après 75% de pertes. Si vous permettez, monsieur. Oui, bien sûr. Oui, mon camarade Dauphin, nous sommes les deux rescapés, les deux seuls officiers rescapés du débarquement du 6 juin. Nous étions à 12 officiers. Le lendemain, nous n'étions plus qu'à 2. Mon camarade Dauphin et moi-même. Je voudrais ici, devant tout le monde, devant tous mes camarades, remercier surtout l'Angleterre et le colonel Donson pour tout ce qu'il a fait pour nous, les Français libres. Et je remercie infiniment au nom de tous les commandos français. Merci beaucoup. Vous étiez, messieurs, parmi ceux qui ont débarqué ici. Oui. Un mot sur vos souvenirs, quel fut le moment le plus dur? Eh bien, c'est à la suite pour moi, personnellement, à la suite du capitaine Lofi à l'époque, quand il a coupé le fil de fer électrifié qui interdisait l'entrée du champ de mine, où d'ailleurs toute une section a été anéantie quelques temps après notre passage, si vous vous souvenez. Hein, dès qu'on a été plus... Je vais vous poser une question qui est peut-être un peu bête. Vous êtes entré dans l'histoire. Qu'est-ce que ça vous fait? C'est pas moi. Rien. Si c'était à refaire, nous le referions immédiatement. Bien sûr. Et nos camarades, les Anglais qui sont avec nous, sont nos compagnons d'armes. Nous sommes encore contents d'être ici en vie, mais ils sont prêts à le faire si jamais il fallait recommencer. Alors vive l'Angleterre. Et vive l'Angleterre. Et vive les alliés, bien sûr. Et vive les alliés, bien sûr. Bien sûr. Et vive les commandos. Monsieur, vous êtes écossais, venez. John, come here, please. Venez là. Venez là. Venez là. Venez là. John, I don't mind speaking English, but I think that you speak very well French. Vous parlez très bien français. Dites, les officiels vont arriver, alors vous comprenez, on va passer à la cérémonie officielle. Soyez gentil. Dites-moi quelque chose. Comment voulez-vous que je vous demande, je n'y étais pas, vous y étiez. Quelle a été votre impression en libérant ce territoire allié? Very good. Very good. Très bien. Très bien. Très bien. Où est-ce que vous vivez, en France ou en Angleterre? En France. Maintenant en France. Ah oui. Théologien. Tous les deux. Oui, tantôt en France, un pied en France, un pied en Angleterre. Ah, oui, et quand sûr. Vous prenez le bateau pour revenir ici, par exemple, pour faire un séjour en France, est-ce que ça vous rappelle quelque chose? C'est en France. En France. En France. France, oui. I think it's a very good country. Very good country. Il dit que la France est un bien beau pays. Messieurs, vive les commandos. Ça a été beaucoup d'honneur pour moi de vous avoir interviewé. C'est moi qui vous remercie. m'appelle Léon Gauthier. Je suis vétéran de Normandie le 6 juin 44. Vous savez, moi, je suis engagé à la marine en février 40. J'ai donc été embarqué sur le Courbet au départ. Le Courbet qui était le dernier bateau à tirer sur la France. Le 19 juin 40, encore, on tirait sur 40 ans. Et nous avons été le dernier bateau à quitter la Normandie. Donc voilà, je suis reparti en Angleterre, bien sûr, de Normandie. Et donc, là-bas, je suis rentré dans les forces navales françaises libres dès juillet 40. Bon, j'ai fait ma carrière un peu dans les forces navales françaises libres. J'ai été embarqué sur un sous-marin. J'ai fait des convois. Ensuite, je suis rentré, donc, j'ai fait l'Afrique avec les fusiliers marins. Et en 1943, j'ai rejoint les fusiliers marins commandos en Angleterre, volontaire pour les commandos. De là, bien sûr, a commencé un entraînement très difficile pour faire des coups de main sur la France. Et ensuite, donc voilà, nous avons été donc faire un entraînement pour le débarquement. Nous avons fait ça en Écosse. Hein, et voilà, donc une dizaine de jours avant le débarquement, nous avons fait donc le briefing de ce que nous avions à faire. Et donc là, bien sûr, on avait les côtes normandes. Moi, j'ai pas reconnu les côtes. Mais nous avons des Havrais parmi nous qui ont vu l'embouchure de la Seine et l'embouchure de l'Orne en disant, voilà, on débarque à Ouistreham. Et alors nous avons été priés de ne pas le divulguer à nos camarades britanniques. Et là, bien sûr, le 5 juin, nous avons embarqué pour la Normandie. Nous avons embarqué sur des barges. Nous étions les premiers à débarquer sur la côte à Colville-Montgomery, qui s'appelait à l'époque Colville-sur-Orne. Hein, et dans la matinée, nous avons donc libéré Ouistreham entièrement. Nous avons libéré 1,8 km de blocos dans la matinée. Nous sommes venus sur nos postes de débarquement parce que nous avions des sacs qui pesaient très lourds. Nous avions quand même 4 jours de munitions. Et là, ensuite, après avoir débarqué et libéré Ouistreham, nous sommes rentrés vers l'intérieur en passant par Colville Village, Saint-Aubin d'Arconnay, Benouville, bien sûr, et nous sommes arrivés le soir en Fréville vers 17h30. Au fait de la journée, nous avons parcouru 13 km. Là, nous avons établi nos premières tranchées et nous sommes restés très longtemps en Fréville car nous avions hors de tenir coûte que coûte, car quand n'étant pas libéré, il fallait garder les ponts de l'Orne et les ponts du canal intacts pour pouvoir se servir de l'avancée que nous avions faite. Et ensuite, on a commencé à rencontrer vraiment les villageois en Fréville. On quittait au tranché pour aller les voir. Par exemple, le supplément d'alimentation que nous avions, on donnait aux habitants. Et là, bien sûr, ces gens-là étaient très contents d'être libérés. Nous avons fini nos combats à Beugeville. À Beugeville, c'est là que nous avons le dernier combat que nous avons fait, c'était le 21 août 44, vous voyez, donc nous sommes restés 70 jours en première ligne sur l'Ève. Moi, je suis revenu par ici en 54, c'est le premier anniversaire, j'étais sur la tombe de mes camarades, bien sûr, j'étais la tombe de mes camarades, et voilà, ensuite, bon, ben, la Normandie, elle a quelque chose de bon, c'est qu'à chaque fois qu'on vient, on mange de merveilleux fromage. Hein? Et bon, qu'en 1992, ayant la fonction de secrétaire de notre association, j'habitais la Bretagne et nous avons décidé de vivre en Normandie car j'étais très demandé pour les manifestations, par les mairies, et ainsi de suite. Et mon épouse et moi avons décidé de venir vivre en Normandie. La population nous a très bien accueillis. Vous pensez que les vétérans ici en Normandie sont très très bien accueillis. Hein? Moi, comme breton, j'ai trouvé ça merveilleux. Hein? Ici, les lieux, bien sûr, c'est un souvenir. Mais moi, c'est où j'ai débarqué le 6 juin, où les tombes de mes camarades que je vais de temps en temps les voir, bien sûr. Bien sûr, c'est des souvenirs. Puis j'ai fait beaucoup d'amis ici. Hein. À chaque cérémonie, on rencontre beaucoup de gens. Hein. Les Normands sont très accueillants. Je fais souvent des conférences dans les écoles, les lycées, et notre petit musée, qui vaut la peine d'être vu d'ailleurs, notre petit musée de Ouistreham. Moi, quand je les vois au musée, les questions qu'ils me posent, ainsi de suite, c'est vraiment des questions pertinentes.

C'est à vous tous, fidèles spectateurs et généreux donateurs, que nous devons ce succès. Fort de votre appui, nous comptons faire mieux l'année qui vient. Encore merci d'être au rendez-vous. Les mots ont-ils encore un sens ? Depuis quelques jours, la droite, l'extrême droite et le bloc présidentiel se sont lancés dans une course à l'amalgame. Tout discernement semble avoir disparu des actes et des propos. Prenons la dissolution des soulèvements de la Terre. Mercredi, Olivier Véran annonçait la dissolution de ce mouvement qui fédère des dizaines d'associations et de collectifs. La Confédération Paysanne, les Amis de la Terre, Attaque ou encore Extinction Rébellion. Le ministre de l'Intérieur a présenté un décret qui propose la dissolution du groupement des soulèvements de la Terre. Ce n'est pas la liberté d'expression ni la liberté de manifestation qui est en question. Ce n'est pas davantage des idées qui sont sanctionnées, c'est le recours répété à la violence contre des biens, contre des personnes, qui a été renouvelé à plusieurs occasions ces dernières semaines. Défendre ces idées, sensibiliser, se mobiliser pour changer la loi, oui, mais dans le respect de l'état de droit, pas en sabotant, pas en dégradant, pas en appelant, voire en organisant la violence. Le recours à la violence n'est pas légitime dans un état de droit, et c'est bien cela qui est sanctionné. Hier soir, dans une centaine de villes, des rassemblements se sont tenus pour protester contre la dissolution, comme ici, à Paris. Le gouvernement s'appuie sur l'article 212.1 du Code de la sécurité intérieure. Celui-ci prévoit la dissolution des associations ou des groupes qui provoquent à des manifestations armées ou à des agissements violents à l'encontre des personnes ou des biens. Cette disposition a été introduite en 2021 par la loi contre le séparatisme. À l'origine, celle-ci visait l'islam radical. Pour la première fois, elle est appliquée contre une mouvance écologiste. Le processus de dissolution a été enclenché après les affrontements qui ont accompagné le 26 mars les manifestations contre la bassine de Sainte-Soline dans les Deux-Sèvres. Le décret du ministère de l'Intérieur, en date du 21 juin, indique que, sous couvert de défendre la préservation de l'environnement, le groupement des soulèvements de la Terre incite à la commission de sabotage et dégradation matérielle, y compris par la violence. À l'appui de cette affirmation, outre Sainte-Soline, le texte cite une vingtaine d'actions, dont la dégradation d'un site du cimentier Lafarge dans les Bouches-du-Rhône. Et bien sûr, les incidents qui ont émaillé la manifestation de samedi contre la liaison ferroviaire Lyon-Turin dans la vallée de la Maurienne. Les affrontements dénoncés par Gérald Darmanin mardi à l'Assemblée. Je voudrais rappeler que cette manifestation était interdite, confirmée à deux reprises par la justice de notre pays. Que malgré cette manifestation interdite, 2000 à 3000 personnes, dont malheureusement des élus de la République, ont bravé cette interdiction, ne respectant ni le droit ni la décision des choses jugées, et que le travail fait par les policiers et les gendarmes ont permis 350 contrôles d'armes et d'armes de poing qui pouvaient blesser, voire tuer les policiers et les gendarmes. Grâce au travail de nos services de renseignement et grâce aux autorités italiennes que je voudrais ici remercier, une centaine d'éléments radicaux venus d'Italie ont pu être bloqués à la frontière. Et malgré cela, malheureusement, deux jours d'affrontement, une autoroute occupée, une voie ferrée coupée et de nombreux personnels des services publics qui sont effectivement devant la haine et la violence. Alors oui, à la demande du président de la République et de la Première ministre, demain matin, je présenterai au Conseil des ministres le décret de dissolution des soulèvements de la Terre. Un récit que conteste Cyrielle Châtelain. Est-ce que la majorité des gens présents étaient pacifistes ? Oui. Est-ce qu'il y a eu des débordements ? Est-ce qu'il y avait une faible minorité qui, effectivement, a pu avoir un comportement qu'on considère comme violent ? Oui. Est-ce que les écologistes le condamnent ? Évidemment, on l'a toujours condamné. Nous l'avons dit, nous, notre action, c'est une action de désobéissance civile, c'est-à-dire, oui, désobéir, mais toujours à visage découvert et sans violence. On a des leaders qui sont à visage découvert, qui font des rassemblements. Après, on peut avoir des composantes à l'intérieur de ces cortèges qui sont pas des soulèvements de la Terre, qui viennent s'agglomérer et qui peuvent aller, après, créer des heurts. Mais c'est bien deux choses différentes. Mais Gérald Darmanin ne fait pas la distinction entre éléments violents et manifestants pacifiques. C'est à la sous-direction antiterroriste qu'il a confié le soin de mener l'enquête sur l'action contre le cimentier Lafarge. Ce service de police a interpellé mardi 14 militants qui ont été placés en garde à vue. Au début du mois, une quinzaine de personnes avaient déjà été interpellées dans le cadre de cette enquête. Elles ont été remises en liberté sans suite judiciaire. Sandrine Rousseau dénonce cette stratégie de l'amalgame. Au passage, regardez bien son collier. Il y a écrit « Darmanin démission », un cadeau d'une militante féministe, nous a-t-elle confié. Quand on parle d'antiterrorisme et de terrorisme, on parle de personnes qui sont rentrées dans le Bataclan avec des fusils pour tuer le plus de monde possible. On parle de personnes qui ont tué des gens sur des terrasses de café. Là, dans le cadre de soulèvement de la terre, on parle de personnes qui défendent la nature. Il y a eu des violences lors de rassemblements. Olivier Véran parle de caillassage de forces de l'ordre. Je condamne absolument le caillassage des forces de l'ordre, mais ça n'est pas de même nature que de rentrer dans une salle de concert et de tuer le plus de monde possible. Et en fait, là, on est en train de faire une forme d'assimilation, on est en train de faire de la confusion dans le débat public. Dans le cas précis de Lafarge, le recours à des spécialistes de l'antiterrorisme pour identifier les activistes a des allures de provocation. C'est ce qu'a souligné hier Mathilde Panot. Et vous noterez que dans les actions qui sont menées contre les militants écologistes aujourd'hui, pour beaucoup, on leur reproche une action contre Lafarge, une action de désobéissance contre Lafarge. Donc, les terroristes aujourd'hui, pour la Macronie, ce n'est pas Lafarge qui a été, je le rappelle, condamné pour avoir financé du terrorisme, c'est-à-dire Daesh. Ce sont des militants écologistes qui, au crime de lèse-majesté, vont remplacer du muguet par du sarrasin bio, vont couper des bâches avec des cutters de méga-bassines qui, elles, sont illégales et qui ont été prouvées comme illégales pour permettre à l'eau de pouvoir s'infiltrer comme ils l'ont fait en Charente-Maritime. Bref, ce sont ceux qui aujourd'hui sont en fait des lanceurs d'alerte. En octobre 2022, le groupe cimentier, aujourd'hui contrôlé par le Suisse Holcim, a accepté de payer une amende de 778 millions de dollars aux États-Unis. Cette amende sanctionnait son soutien à Daesh entre 2013 et 2014 en échange du maintien de ses activités dans des territoires contrôlés par l'État islamique. En France, pour les mêmes faits, l'entreprise reste poursuivie pour complicité de crimes contre l'humanité. Les autorités françaises estiment que le cimentier aurait versé de 5 à 10 millions d'euros aux terroristes islamistes pour continuer ses activités. Cette confusion volontaire du ministre de l'Intérieur entre activisme et terrorisme ouvre la porte à tous les abus de droit. Quand on dissout une association, c'est en général parce que, comme l'extrême droite par exemple, ou des néo-nazis, ils veulent s'en prendre à l'essence même de nos institutions. Ce n'est pas du tout le cas des soulèvements de la terre, qui d'ailleurs n'appellent pas forcément à la violence. Il peut y avoir des violences que je condamne et des blessés tant parmi les manifestants que parmi les policiers. Ce n'est pas l'objet même de la manifestation. Et donc vraiment qu'il y a un grave problème si ce gouvernement se met à dissoudre toutes les associations qui ne lui plaisent pas. Je crois qu'il faut vraiment qu'on mesure ce que ça veut dire, la liberté d'association. En dehors de la liberté d'association, vous n'avez pas de pratique de la religion, vous n'avez pas de pratique du syndicalisme, vous n'avez pas de pratique démocratique tout court. Il n'y a que les tyrans qui n'ont pas besoin de la liberté d'association. Julien Bayou met le doigt sur une vraie menace. Car demain, le pouvoir pourrait prononcer la dissolution des syndicats en prenant prétexte des violences qui accompagnent les manifestations organisées par ces derniers. Mais le gouvernement n'a pas le monopole de l'amalgame. L'agression lundi dernier à Bordeaux d'une septuagénaire et de sa petite fille de 7 ans a donné lieu à un festival d'outrance et d'approximation. La vidéo de la scène a abondamment circulé sur les réseaux sociaux. Elle est révoltante. Marine Le Pen s'est empressée de réagir. Nous avons été, je crois, tous très choqués par les images de cette agression à Bordeaux parce que elles sont en quelque sorte symboliques de la délinquance que subissent nos concitoyens aujourd'hui, gratuite, imprévisible, de plus en plus violente. Que proposez-vous ? Lui demandent les journalistes. Réponse. D'abord, je propose de régler drastiquement le problème de l'immigration massive, car tout à fait évidemment, et vous le savez, je fais un lien entre l'immigration anarchique et l'explosion de l'insécurité. Il suffit de lire vos collègues de la presse régionale pour prendre conscience qu'il y a une part très importante de cette insécurité de rue qui est directement le fait de cette immigration anarchique. À cet instant, plusieurs confrères font remarquer à la présidente du groupe parlementaire que l'agresseur est un Français né en France. Souffrant de schizophrénie, il a été condamné à une quinzaine de reprises pour de petites infractions. Mais il en faut plus pour désarçonner l'ancienne et future candidate à l'élection présidentielle. Ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est que la délinquance, l'aggravation de la délinquance, porte en elle une raison qui est dirimante, qui est l'explosion de l'immigration anarchique. Voilà, je pense que tous les chiffres aujourd'hui, les chiffres ne sont même plus contestés d'ailleurs par les uns et par les autres. Même le président de la République a fini par admettre qu'il existait un lien entre les deux. Ce n'est pas le sujet, dit Marine Le Pen. Eh bien si, justement. Là, je vois bien que la cible était les migrants. Manque de bol, si j'ose dire, il n'est pas migrant. C'est un Français né en France. Et ensuite, on se rabat sur la question de la récidive, etc. Donc maintenant, regardons s'il y a des antécédents, de quelle nature ils sont, si on pouvait anticiper d'éventuelles agressions de cette nature, est-ce qu'il avait un suivi psychiatrique, est-ce qu'il l'a effectivement interrompu, c'est l'enquête qui le dira, et il doit être jugé comme n'importe lequel d'entre nous. Si vous qui êtes blanche de peau étiez demain à commettre les mêmes faits, vous devriez être incriminé de la même façon. Alors nous n'avons pas à juger les gens en fonction de leur couleur de peau, mais exclusivement en fonction des faits qu'ils commettent, et ceux-là sont d'une gravité insupportable, incroyable, et donc il doit être évidemment jugé et condamné pour ce qu'il a fait. Quel est l'intérêt de créer un climat de psychose et de laisser penser que derrière chaque personne, notamment noire de peau, eh bien, il y aurait un agresseur en puissance? Si c'est ça l'effet recherché, il est détestable. Et j'admire la dignité de cette famille qui a demandé expressément à ce qu'on n'utilise pas cette vidéo, pour des raisons qui sont liées à la défense de leur vie privée, mais aussi qu'on refuse toute généralisation raciste. Et ça, c'est exemplaire. Heureusement, Éric Ciotti est là pour nous éclairer. C'est le Sherlock Holmes du Palais Bourbon, la pipe et la casquette en moins. Pour suivre son raisonnement, il faut se souvenir que le maire de Bordeaux, Pierre Urmic, est écologiste. Et maintenant, accrochez vos ceintures. Les mairies extrême-gauche, quelque part, légitiment une forme de violence dans leurs discours, dans les attaques répétées qu'ils font à l'encontre des policiers. Il n'y a pas naturellement une responsabilité dans cette affaire directe, mais leur attitude, leur discours, la violence qu'ils ont installée dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale, la violence qu'ils portent dans les manifestations, quelque part, banalise le recours à la force. Et les attaques qu'ils font porter contre nos forces de l'ordre, là aussi, créent ce climat. Donc oui, il y a une extrême gauche qui aujourd'hui crée un climat de violence dans le pays. Là, on atteint des sommets dans le n'importe quoi. Une municipalité écologiste devient ainsi une mairie d'extrême gauche. Manque de bol pour le patron des Républicains, l'extrême gauche, incarnée à Bordeaux par Philippe Poutou, est dans l'opposition municipale. Toujours selon Éric Ciotti, ce serait la violence verbale dans l'hémicycle qui créerait par contagion un climat de violence à Bordeaux. S'il est exact que la délinquance progresse dans la ville, ce phénomène est antérieur à l'élection du maire écologiste. Au point que celui-ci réclamait pendant sa campagne plus de bleu dans la rue, le bleu désignant la couleur des uniformes de la police. Les éclats de voix du Palais Bourbon ou les débordements dans les manifestations contre la réforme des retraites ne sont pour rien, par conséquent, dans la recrudescence de la délinquance. Enfin, on ajoutera que Pierre Urmic avait annoncé quelques jours avant l'agression de la septuagénaire et de sa petite fille que la municipalité allait signer avec l'État un contrat de sécurité intégré. Ce dispositif est destiné à harmoniser l'action des polices municipales et nationales. Ce qui démontre à minima que Pierre Urmic est très loin d'être l'élu anti-flic que pourfend Éric Ciotti. Cette entreprise de brouillage menée par le bloc présidentiel, la droite et l'extrême droite, fait monter les tensions, avec l'objectif plus ou moins avoué de pousser l'opinion à accepter des solutions autoritaires, au détriment de l'état de droit, bien sûr. Merci d'avoir regardé cette chronique. Si vous l'avez appréciée, partagez-la et mettez un pouce. Vous pouvez encore vous abonner à la chaîne. Et en cliquant sur la cloche, vous ne manquerez aucun de nos contenus. Pour que l'aventure se poursuive, pour que nous puissions vous proposer davantage de formats, nous avons besoin de votre soutien financier. C'est sur DonorBox que ça se passe. N'oubliez pas que chaque donateur bénéficie d'une réduction d'impôt de 66% du montant de ses dons. On se retrouve lundi pour Pôle Express. D'ici là, passez un bon week-end. Il revient à ma mémoire des souvenirs familiers. Je revois ma blouse noire lorsque j'étais écolier. Sur le chemin de l'école, je chantais à pleine voix des romances sans paroles, vieilles chansons d'autrefois. Douce France, cher pays de mon enfance, bercé de tendre insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur. Mon village, aux clochers, aux maisons sages, où les enfants de mon âge ont partagé mon bonheur. Oui, je t'aime et je te donne ce poème. Oui, je t'aime dans la joie ou la douleur. Douce France, cher pays de mon enfance, bercé de tendre insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur. Et je te donne ce poème. Oui, je t'aime dans la joie ou la douleur. Douce France, cher pays de mon enfance, bercé de tendre insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur. Je t'ai gardé dans mon cœur. Mesdames, Messieurs, je vous souhaite la bienvenue sur le plateau des mercredis de l'information, chaque mercredi à 20h30 en effet. Lyon, Paris, Liverpool, que se passe-t-il à la périphérie, dans les banlieues de ces grandes villes, pour qu'on en soit arrivé à ce jeu de massacre de générations qui se cognent contre le béton et le chômage, qui s'offrent des soirées de saccage d'immeubles, de mise à feu de voitures ou bien de matraquage d'individus, bref, qui sont les loubards des grandes banlieues. Il y a bien longtemps déjà, mais sans doute personne n'a-t-il été suffisamment attentif, que les éducateurs, que les juges ont interpellé la société en montrant qu'on ne pouvait pas continuer à ignorer d'un côté les origines de ce problème et puis de l'autre à condamner par classes entières des jeunes mal intégrés à la société. D'ailleurs, est-il fondamentalement raisonnable d'entasser les exclus dans ces périphéries de ville, à la périphérie de la consommation aussi, sans s'attendre un jour ou l'autre à en payer le prix? Le reportage d'Éric Gilbert, Jean-Pierre Abou, Tony Bosco et Gilbert Mercinier a d'abord pour but d'essayer de comprendre, de regarder, d'observer. Ils ont donc passé une semaine à la cité des Canibous à Nanterre, notamment près de Paris. Nous n'avons pas voulu aller à Lyon-Villeurbanne, qui est une cité en crise, comme vous le savez, dans ce domaine, parce que nous avons pris beaucoup de précautions pour ne pas céder à la tentation du spectaculaire. Un spectaculaire qui aurait été exploité, même à notre insu, dans la mesure où l'on a toujours tendance à valoriser, à opérer une surenchère devant une caméra. Les témoignages que vous allez entendre et voir vont peut-être vous déranger, sans doute vous impatienter par moments. Encore cette fois, encore une fois, ces malnantis font partie de l'équilibre de notre société. Nous vivons dedans et le premier devoir des journalistes que nous sommes est d'observer pour vous donner à comprendre. Bien comprendre ce qui s'est passé à Lyon. Ce qui s'est passé à Lyon, ça faisait longtemps qu'on pensait que ça risquait d'arriver. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire une politique d'éviction d'une population, parce que c'est ça, ou de mise à l'écart d'une population, à travers l'expulsion, à travers le chômage, etc., sans qu'un jour ou l'autre, on en paye des conséquences au plan social. Bon, ce qui s'est passé à Lyon, c'est ça. Si ce juge avait dit vrai, des Vénitieux, il devait y en avoir d'autres en France. Nous sommes donc partis en voyage à l'intérieur des banlieues. Les cités traversées se ressemblaient toutes. Le plus souvent, elles étaient coincées entre des autoroutes et des voies ferrées. Après une semaine d'enquête, nous en avons choisi une, ni pire ni meilleure que les autres. La cité des Canibous à Nanterre. 3600 personnes, la population d'un gros village, dans 8 cubes de béton, à quelques stations de métro de Paris. Une forte proportion d'émigrés, comme dans toutes les autres banlieues. Nous sommes arrivés aux Canibous un dimanche après-midi. Il ne se passait rien, tout semblait même si calme que nous avons failli rebrousser chemin. Et puis dans un petit square, des locataires jouaient paisiblement aux boules. Aussi, avant d'aller chercher ailleurs, avons-nous décidé tout de même de leur demander leur avis. Vous habitez la cité, monsieur ? Qu'est-ce que vous pensez des jeunes ici ? Des cons. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce qu'il y a trop de bougnoules dans le quartier. Ils volent tout. Ils sont là que pour piller les câbles. Moi, je le dis carrément en face. Vous pouvez me filmer, c'est vrai. Laissez-moi tranquille, s'il vous plaît, je joue aux boules. S'il vous plaît, monsieur, dégagez. Dégagez, autrement ta caméra va sauter. Si, monsieur, le soir, on ne peut plus sortir. Hein. Pourquoi ? Vous vous faites attaquer. Les femmes âgées se font tous attaquer. Tout le quartier, là. Ça devient vraiment, vraiment triste. Hein. Faut faire quelque chose. Les agents, ils ne peuvent plus rien faire à cause de ça. Ils ne peuvent plus. Si vous voulez, ils cherchent partout, ils font des rondes, mais ils ont du mal à les prendre. Et vous pensez que les jeunes, c'est la police qui doit s'en occuper ? Ben, autant que possible, parce qu'il n'y a personne ici. Ils cassent tout, ils cassent les vitres, ils cassent tout, alors. C'est un désastre. On n'a jamais fait ça de notre temps, on peut s'amuser tout de même sans casser. Hein ? Mais vous ne vous êtes jamais demandé pourquoi ils cassaient ? Non, ils ne me le demandent pas, parce que... Non, quand... Parce que quand on dit aux parents, dites-donc, vous avez vu votre gosse, ce qu'il vient de faire ? Il faut bien qu'il s'amuse. Et vous avez des enfants ici ? Ah oui, j'en ai deux, moi. Mais ils cassent rien et puis ils font rien. Sinon, ils auraient le coup de pied dans le cul. Alors, c'est les enfants des autres, d'entendre, qui font ça ? Ah oui, certainement, monsieur. Dans le temps, nous, on était sept enfants. Quand on rentrait à la maison avec un ballon qui ne nous appartenait pas, notre mère nous demandait où c'est qu'on était. D'où c'est qu'on avait eu ce ballon ? On avait beau y raconter un tas de bêtises, on nous disait qu'on allait échanger ou n'importe quoi, ben, il fallait ramener le ballon. Que maintenant, les gens, ben, les gosses, ils rentrent avec une mobilette, c'est mon copain qui me l'a donné. Moi, je vais vous dire un petit truc. Moi, on m'a volé ma mobilette ici, ma roue de mobilette ici, hein, ma roue de mobilette, alors qu'il y avait des gars qui étaient là, on m'a démonté ma roue de mobilette, et j'ai racheté ma roue de mobilette un quart d'heure après. J'ai repayé, moi. Et tout le monde rigolait. Vous trouvez normal que des jeunes ont des mobilettes qu'ils ont au chômage, ou qu'ils ont des mobilettes ou des voitures? Ils en brûlent. Qu'est-ce qui brûle? Les mobilettes. Ici, il y a une mobilette, tenez, regardez, vous avez encore la trace. Ils ont volé une moto. Ils l'ont brûlée. Surpris par la violence du ton, nous avons continué espérant trouver des réponses plus nuancées. 50 kilos de dynamite, vous faites tout sauter et puis c'est bon. On dépasse trop d'argent. La voiture, vous ne pouvez pas la laisser dehors. Si vous la laissez dehors, vous avez un scandale. Vous n'avez plus rien. Plus rien, on vole à l'intérieur ou on la casse ? Qu'est-ce qui se passe ? À l'intérieur ou j'ai un berger. C'est bon. Vous laissez en permanence un chien dans votre voiture ? Partout. Devant le boulanger, elle sort du boulanger, il y a un jeune en vélo qui passe, elle lui dit gentiment, quand même, on ne roule pas sur le trottoir. Normalement, il y a un autre derrière, il va sauter le poteau, puis il lui a mis sur la gorge. Qu'est-ce que vous voulez faire à ça ? Tout le monde autour n'a rien dit. Ah, moi j'ai vu une arnaque en plein jour, à 11h30. Une portugaise qui habite au bâtiment, comment qu'elle s'appelle, là ? Au sixième étage. Madame, comment qu'elle s'appelle ? Et qu'est-ce qui s'est passé, là ? Le jeune, il tirait son porte-monnaie. Moi, j'ai couru après, mais je n'ai pas couru assez vite avec mes chiens. Tirer son porte-monnaie, c'est-à-dire... Oui, derrière. Il a arraché son porte-monnaie derrière. Et c'est véridique, ça. Et c'était un dimanche matin. Est-ce que c'est vrai qu'il y a des gens qui ont des armes maintenant ici? Oh oui. Et puis, j'ai une chose que si vous m'achetez, je m'en achèterai. Hein. Viens ici. Même une personne ici, je ne dirai pas le nom, mais qui a même tenté de. Qui a même tiré sur, la, sur le voleur. Non, ça devient incroyable. Vous pensez que c'est une solution? Non, par les armes, je ne pense pas. Non. Non, pas par les armes. Non, ça serait, c'est véritablement une catastrophe si on y va par les armes. Non, là, non, ça ne va plus. Là. Dans la cité des Canibous, nous avons été surpris par le nombre de chiens. Presque chaque locataire en possède un pour se protéger des cambrioleurs. Les adultes et les jeunes se croisent uniquement le samedi et le dimanche. Les vieux, comme ils disent, ont installé un bar au rez-de-chaussée d'un des immeubles. Ils boivent du pastis et ils jouent aux boules. Les jeunes, eux, déambulent par petits groupes. Les uns et les autres s'évitent avec méfiance. Dans cette cité, un habitant sur deux a moins de 20 ans et la moitié des jeunes sont des immigrés. Quand ils ont un peu d'argent, ils vont jouer au flipper ou au tiercé électronique dans un bar qui longe la route nationale. Attendez, on met l'argent d'abord. En semaine, les adultes et les jeunes n'ont pas les mêmes horaires. Les adultes se lèvent tôt le matin pour aller travailler. Les jeunes vivent surtout la nuit et dorment tard dans la matinée. Vers 5 heures du soir, on les voit apparaître par petits groupes à proximité de leur club. En ce sens, la cité des Canibous est privilégiée par rapport à d'autres cités. 4 animateurs ont créé un club où la plupart des jeunes viennent l'après-midi, entre 6h et 8h, jouer aux cartes, au ping-pong ou aux échecs. À tour de rôle, l'un d'entre eux gère un bar où il consomme des boissons non alcoolisées. Pour eux, le club est très important, c'est l'endroit où ils savent que des copains vont les écouter lorsque, comme ils le disent, ils sont dans la merde. Les jeunes cassent, d'accord, mais qu'est-ce qu'ils ont comme loisir ici? Ils n'ont rien. Ce qu'il faudrait dire, c'est qu'une minorité seulement des jeunes qui cassent seulement. Il n'y a qu'une minorité qui jeune. Et on généralise, on a souvent tendance à généraliser ici. Les vieux plutôt. Moi j'ai entendu autrefois, il y en a qui disaient, les attentats, ils jettent des bouteilles sur nous, ils cassent nos jeux, les boulistes, tout ça, on leur casse. C'est fou. Moi je sais que moi, ce que j'ai jamais vu un attentat contre les boulistes. C'est faux, ce qu'ils disent là, c'est pour, ce qu'ils préfèrent, c'est pour nous achever, les jeunes, nous. Parce qu'il n'y a jamais eu d'attentat. Moi, je sais que je suis passé 1000 fois, 1h du matin, 5h du matin, tout ça devant mon Porsche. Jamais j'ai reçu une bouteille sur la tête. Ils ne veulent pas essayer de voir... Ils ne veulent pas essayer de comprendre, les jeunes. Eux, pour eux, c'est tous des délinquants. Tous, sauf leur fils. Celui qui te dira, tous les jeunes, c'est des délinquants, il dira, tous les jeunes, sauf mon fils. Pourquoi son fils est un ange pour lui? En fin de compte, son fils, il vit avec nous. Hein. S'il a notre âge, il vit avec nous. Comme tu trouveras une merde devant chez toi dans ton escalier... Papa, vous savez ce que je ferai? Je te ramasse. Et voilà. Je t'appellerai, demande ton adresse, comme ça tu vas les essuyer. Ah non, mais je n'irai pas essuyer chez vous, moi. Voilà, il faut les comprendre, les vieux. Vous pouvez... C'est facile de dire ça. Moi, je voudrais bien qu'un jour, vous y allez de l'autre côté. Vous verrez après, vous pourrez parler, vous pourrez dire les vieux. Mais laissez-les tranquilles, les vieux. Il n'y en a pas tellement. Vous dites. Vous parlez pour rien dire. Moi, je vous le dis, vous parlez pour rien dire. Tellement que vous êtes vexé, vous partez là. Les gens de la cité, enfin, les honnêtes gens, en ont marre. Ils en ont marre. Et croyez-moi que si je vous dis ça, c'est marre que. Marre de quoi? Marre. De ce qui se passe. Des vols dans les voitures, des vols dans les caves, des cambriolages. Ils en ont marre. Ils en ont marre. Mais pourquoi ça? Eux, ils ne distinguent pas si c'est toi ou l'autre. Voilà, à ce moment-là. Ils vous mettent tous dans le même panier. On connaît une partie des jeunes. Des voleurs, on les connaît. Et la police aussi les connaît, mais la police ferme les yeux. Ah oui. Ah bon? Ça, je vous le dis, et je suis bien placé pour le dire. Ah, la police se ferme les yeux pour la bonne raison que certains servent d'indicateur et entrent. C'est vrai, c'est pas vrai? Je peux pas répondre. Si je connaissais les indicateurs, ils seront pas là, je serais nous en déménager. C'est vrai, c'est pas vrai. Non, mais je peux pas vous répondre là, mais vous me posez une question. Moi, je te le dis. Le lendemain, nous avons voulu voir les caves qui, d'après leurs propriétaires, étaient pillées régulièrement. Pour être franc, nous n'avons pas eu l'impression de pénétrer dans un coupe-gorge, malgré quelques cadenas arrachés. Mais cette exploration des sous-sols et des couloirs nous a fait découvrir une autre caractéristique de la cité, son bruit, incessant, répercuté d'étage en étage. Il y a toujours du bruit comme ça ici, les chiens, le bruit des outils. J'ai dit tout à l'heure que ça me serait difficile d'aller dans un endroit où il n'y a plus de bruit, parce que j'ai tellement pris l'habitude, depuis que je suis tout petit, j'entends toujours du bruit. Un peu moins de béton aussi, hein, parce qu'il y a trop de béton. Quand tu nais, tu 5, 6 ans, 8 ans, tu vois que du béton autour de toi. C'est difficile, hein. c'est dur. Ouais. Monsieur le maire, est-ce que sur le plan urbanisme, ce n'est déjà pas aberrant d'avoir construit ces cités de cette manière-là ? Aberrant, je ne pense pas, mais nous ne prétendons pas avoir fait, dans le passé, le meilleur urbanisme qui soit. Nous ne concevons plus aujourd'hui l'urbanisme de la même façon qu'il y a 20 ans. Ceci étant, il a fallu à une époque répondre à des besoins urgents. Et notamment avec l'existence à Nanterre de grands bidonvilles, parmi les plus grands d'ailleurs de la région parisienne. Et cette cité, en l'occurrence, a été la première construite à titre définitif pour participer à l'effort de résorption des bidonvilles. Certaines des images qui vont suivre peuvent choquer. En face de la cité, côté route, se trouve la maison de Nanterre, l'hospice qui accueille les vieux les plus démunis, ceux qui finissent leur vie sans rien. Nous n'avons pas cherché à faire des raccourcis douteux, mais cette proximité est l'une des réalités. Il ne faut pas fabriquer des mondes d'exclus, nous disait le juge des enfants, mais précisément, cette cité et cet hospice ne sont-ils pas déjà deux mondes d'exclus face à face ? Qu'est-ce que c'est ? C'est une grande grange où on met beaucoup, beaucoup de personnes. Les personnes les plus... Comment dire, il y a beaucoup d'ouvriers, beaucoup d'émigrés. Bon, c'est maintenant les cités sont réduites à ça. Hein. Et on les met là-dedans et puis on ne s'occupe plus d'eux. On les a casés, ça y est, on a fait notre boulot. On s'en occupe plus, on les laisse. Les jeunes ont l'impression d'être un peu parqués ici. Parqués, non, c'est pas le ghetto hein, quand même. Hein. C'est pas... Il n'y a pas un fil de barbelés tout autour de la cité, hein. Bon, tu sors, tu rentres, tu fais ce que tu veux, mais enfin, quand tu vois ces grands bâtiments sans aucune vie, ces grands porches, ces bancs en pierre, qu'est-ce que ça apporte ? Rien du tout. Le seul moment de discrétion, c'est quand on descend un ballon et que tout le monde tape dedans. Là, il y a tout le monde qui vient. Et même les gens par la fenêtre, ils regardent les matchs de foot. C'est pour dire la distraction que ça apporte. Un match de football dans une cité, surtout dans celle-ci, c'est beaucoup. Bon, moi, j'ai la chance de connaître deux milieux en allant à mon école et puis en venant le soir à ma cité. Donc, je connais les deux milieux, je peux établir un équilibre quand même. Bon, moi, j'ai la chance de connaître ces deux milieux, mais il y en a qui n'ont pas la chance de connaître. Ils connaissent que la cité, c'est tout. Mais il y en a qui font le premier pas vers toi. Mais c'est à toi aussi de les aider. Sans ça, c'est pas la peine de vivre ici. Hein. Tu n'y arriveras pas. Combien de fois les nouveaux habitants, combien il y en a qui ont été dégoûtés de la vie d'ici ? Ils sont partis. Ils ne sont pas restés longtemps, ils sont partis. Ils n'ont pas compris. Ils n'ont pas voulu s'adapter. Alors dès qu'ils montrent ici, ils aiment pas les gars qui snobent un peu, qui restent dans leur coin, qui font juste, ils rentrent au bâtiment, ils prennent leur voiture, ils repartent. Tu vois, ils vont au boulot, c'est tout. Ils voient les gens, ils les voient, ils font juste bonjour, mais tu vois, ils ne se font pas parler. Alors c'est pour ça, à force, les gars, ils en ont marre. C'est pour ça qu'entre les jeunes, entre nous, bon, nous les jeunes de mon âge, on a réussi à parler ensemble, mais... Sans ça, les autres, les grandes personnes, non, ça marche pas. Ils comprennent pas. Les adultes sont excédés, non pas, j'allais dire, finalement, d'actes graves de délinquance, mais ils sont excédés par une multiplication de petits chapardages, d'ennuis sur leur voiture, de cyclomoteurs volés, de ce qui, chaque chose en soi, n'est pas quelque chose d'extrêmement grave, mais c'est cette continuité dans cette série, de cette ambiance générale, c'est ça qui fait monter une tension assez considérable. Là-dessus, il y a peut-être aussi au départ une petite erreur, c'est-à-dire que moi je vois comment marchent les cités de Nanterre, elles ont été construites à une époque, et ils sont venus à ce moment-là un type de population, c'est-à-dire pratiquement ils viennent à ce moment-là des gens qui ont des enfants petits. Et puis, 15 ans après, on se retrouve avec, ou 10 ans après, on se retrouve effectivement une explosion dans ces cités avec une population adolescente très très importante qui forcément se regroupe et une population adulte qui commence à se sentir mal à l'aise par rapport à tous ces jeunes. En plus, avec tout le phénomène actuel, bon, c'est vrai, pour ces jeunes-là, il n'y a pas de travail, ils n'en trouvent pas facilement, les stages sont mal adaptés pour cette population, donc pratiquement ils sont là dehors à traînailler. Bon, et il y a un rapport de force qui s'institue. Ce jour-là, Mustapha se rendait à l'Agence nationale pour l'emploi. Nous avons dissimulé notre caméra à l'intérieur du bureau pour enregistrer le dialogue. Bonjour, madame. C'est pour m'inscrire. Vous habitez Nanterre ? Oui. Vous avez une pièce d'identité ? Non, pas ça. La carte de résidence. Je n'en ai pas. Vous avez une carte d'identité française ? Non. C'est l'un ou l'autre. Vous avez quel âge ? J'ai 18 ans, je suis en 33. Ah, vous êtes né ici, sur le territoire français ? Oui. On va voir ça avec le commissariat. Ça dépend. Comment ? Pour quelle nationalité vous optez. Parce que jusqu'à 18 ans, ils considèrent que si vous êtes né après janvier 63, ça vous fait 18 ans, selon vous. Mais ça, renseignez-vous au commissariat, parce que là, c'est plus tellement de notre sort. Hein. Je peux pas travailler alors. Ah ben, moi je peux pas vous. C'est pas que je peux pas. Je peux pas vous inscrire si vous n'avez pas l'une de ces pièces-là. Ah. Bon, merci. Au revoir. Au revoir. Mustapha est né en France en 1963, c'est-à-dire après l'indépendance de l'Algérie. Il a aujourd'hui 18 ans, il faut qu'il choisisse entre la nationalité française et la nationalité algérienne. L'Algérie ne reconnaît pas la double nationalité. Pour être inscrit à l'Agence nationale pour l'emploi, il faudrait donc qu'il renonce définitivement à la nationalité algérienne, à ses racines. Ce sacrifice lui paraît inutile. Il sait que ses copains qui ont pris une carte d'identité française n'en ont pas pour autant trouvé du travail. Dans la cité, des dizaines de jeunes refusent ce choix. Pour les employeurs, pour la police, ils se retrouvent sans papier. Si vous avez tous ces problèmes aussi, on a vu ça tout à l'heure, les problèmes de papier pour trouver du travail, puisque le travail c'est très important dans la vie que vous avez, c'est parce que beaucoup d'entre vous ne veulent pas choisir la nationalité française, si j'ai bien compris. Pourquoi est-ce que vous ne voulez pas choisir la nationalité française? Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce problème? Pourquoi est-ce que... Je te pose une question. Mustapha, c'est un nom français? J'ai une tête d'un français? Quand je monte dans le bus, n'importe où, est-ce que j'ai la tête d'un français? Même si je porte la carte d'identité française sur moi, ça ne donne rien. Comme il dit Saïd, la nationalité française, Saïd ou François, il y a une différence. Que je porte une carte française ou une carte algérienne, hein, c'est pareil, puisqu'on me dit toujours... T'es un frisé, tu t'appelles Saïd. Le problème essentiel, incontestablement, c'est le travail. C'est-à-dire que les jeunes, actuellement, ne trouvent pas de travail. Surtout, ces jeunes, les jeunes maghrébins. Les jeunes maghrébins, actuellement, et ils n'ont pas tout à fait tort, disent, si je me présente à un employeur et que je me présente alors qu'il y a un jeune français, en quelque sorte, qui se présente en même temps que moi, je sais que c'est le jeune français qui aura la place. Bon, et c'est une réalité. Par conséquent, pour tous ces jeunes-là, ils se trouvent effectivement sans travail. Alors le deuxième aspect, c'est le problème des stages. Et en ce qui concerne les stages, ces stages partent d'un niveau intellectuel ou d'un degré de connaissance qui sont trop élevés par rapport à ce type de population. Par conséquent, si on leur demande pour être magasinier de savoir très bien les mathématiques et l'orthographe, bon, ben, tous ces petits maghrébins qui ont forcément, ne serait-ce que par le décalage culturel, un petit retard scolaire, n'arrivent pas même à s'intégrer au démarrage de ces stages. Par conséquent, bon, ben, c'est raté pour cette population-là. Alors ils traînent, ils n'ont pas d'avenir, et ça suffit pour évidemment faire monter pas mal de difficultés. C'est-à-dire toi, par exemple, tu vis comment? Alors, tu travailles pas, tu n'arrives pas à trouver de travail. Comment tu vis? J'ai la chance que ma mère me donne 5 francs par jour, quoi. 5 francs, ça fait mon paquet de cigarettes, c'est tout. Et puis, j'ai la chance que mon père comprend un peu le problème. Il l'a compris, quoi. Mais est-ce que tes parents ont suffisamment d'argent pour te donner de l'argent de poche sans que tu travailles? Suffisamment, là, on peut pas dire ça, parce que mon père est frère sous béton, il se touche pas 1 million par mois, quoi. Juste pour nourrir la famille. 5 francs, c'est le maximum. On ne peut pas donner plus. Mais dans la cité, alors, tu n'as pas de travail, qu'est-ce que tu fais à longueur de journée avec tes camarades? Quand on n'a rien à faire, on va à la défense. Sinon, quand on a un ballon et puis il fait beau, on joue au foot sur le terrain. Et à la défense, qu'est-ce qu'il y a à la défense? Il y a la patinoire, tout, on se promène, quoi. Et la musique, tout. Mais sans argent, qu'est-ce que tu peux faire? Rien. Sans argent, rien. Tu regardes les autres en train de manger, ou alors tu passes devant le cuic ou la cafette, tu le regardes. Et je me dis, lui, il a de l'argent, il travaille, moi j'en ai pas. Je me dis ça dans la tête. Et j'essaie de trouver une solution. Ça fait 2 ans que je n'ai pas encore trouvé une seule solution. Dans les allées de la cité, sur les parkings, les jeunes cherchent à échapper à l'ennui. Ils passent sans transition du cyclomoteur à la BMW. Quand ils ont récupéré une vieille voiture, ils la réparent, s'entassent dedans et s'amusent à provoquer ce qu'ils appellent les keufs, c'est-à-dire les policiers. Ça marche, sinon ? Viens, viens ! Attends. Attends, j'arrive. Place de Belgique, t'as vu tous les keufs qui... Oh là là, il y avait des keufs partout, hein. Putain. Deux keufs de chaque côté, des noirs en plus. Mais lui, Vigno, il travaille avec toi ? Du pas de nom, toi. Tu travailles dans quoi? Ah, je travaille pas, moi. Ils attendent les BM à Place Belgique. Bien sûr. Là-bas, ils passent tous. Cette provocation est permanente. Pour eux, c'est le moyen de montrer qu'ils existent. On la retrouve dans leur manière de s'exprimer. Nous avons rencontré Michel. Il est parfaitement conscient que ce qu'il dit va renforcer le rejet dont il est victime. Nous avons ressenti cela à la fois comme un défi et comme un appel. Est-ce que je peux te demander ton âge? Tu as quel âge? Je viens d'avoir 16 ans. Et qu'est-ce que tu fais actuellement? Actuellement, rien. Tu es à l'école? Ah ouais. Qu'est-ce que tu as fait à l'école? Bah, j'ai fait ma 6e, après j'ai été dégagé de l'école. Je fais une année de mécanique générale, enfin bref, une moitié, j'ai été dégagé. Après j'ai fait un CPA, j'ai fait un quart d'année, j'ai été dégagé. Et pourquoi tu étais dégagé à chaque fois? Bêtises, sécher l'école, les cours. Parce que l'école t'intéressait pas? Non. Mais je voulais tout de suite entrer dans la vie active. Mais là, actuellement, qu'est-ce que tu fais toute la journée à Nanterre? Bah rien, on galère. Qu'est-ce que ça veut dire, galérer? C'est quand on sait pas quoi foutre et puis on n'a pas d'argent, alors on cherche à... On cherche n'importe quoi. Pour bien dire, on galère, on cherche à se débrouiller de l'argent, n'importe quel petit vol. Juste de quoi aller soit en boîte ou au cinéma, ou acheter du shit ou... Des conneries comme ça. Ouais. Mais vous galérez, vous êtes nombreux à galérer Bah ouais, il y en a beaucoup, ça dépend. Quand il y en a, ils ont de l'argent, bon, bah, ils savent s'occuper. Quand il y en a d'autres, ils en ont pas. Bon, ils restent assis devant une entrée pratiquement toute la journée. En train de fumer des cigarettes, ça. Mais pour voler, comment tu organises ça? Vous organisez ça comment? Vous décidez d'aller voler quelque part? La majorité du temps, ça se fait plutôt à la sauvette. Sinon, comment quand c'est un petit vol style... cambrioler un appartement, un truc comme ça, bon, bah, ça se prépare. Les gars, Ils vont calculer les horaires de la femme ou du bonhomme qui habite dans cet appartement pour voir quand il travaille pas ou des trucs comme ça pour pouvoir lui cambrioler. Sinon, il y a des petits vols comme ça, ils font ça vite fait à la sauvette et puis ils s'en vont en courant. En général, vous êtes combien quand vous cambriolez un appartement, par exemple ? La majorité, ils sont... Les gars, ils travaillent pas plus de 3 ou 4, parce que des fois 2, mais la majorité, c'est 3 et 4. Et ça rapporte quand même un peu d'argent ? Ah ouais, ça dépend. Il y a des appartements, ça rapporte rien du tout, et puis il y en a d'autres, ça rapporte... Ça rapporte quand même assez, hein. Il est bizarre, on achète aussi un peu de shit. Il y a beaucoup de jeunes qui fument dans la cité. Ouais, ça... Dans la cité, pas spécialement, parce que dans toutes les cités, ça fume. Hein. Qu'est-ce que ça t'apporte de fumer ? T'es mieux après ? Ouais, ça. Faut pas oublier les problèmes. On rigole entre nous, c'est tout. Comme ça, on s'ennuie pas au moins le temps, on le voit pas passer, on est bien. À quel âge t'as commencé à fumer ? 14 ans, je voulais juste avoir 14 ans. Qu'est-ce qui te plaît le plus dans la vie, en fait ? Dans ta vie, qu'est-ce qui te plaît ? Il y a des moments où tu es heureux ? Ouais. Ouais, des moments où je suis heureux. Quand je suis défoncé par le shit et puis je suis avec ma nana, stop. Sinon, quand je me retrouve défoncé dans le BMW, sur l'autoroute, en train de rouler sur le périph', ben là, c'est bien, là. Et quand vous partez vous promener comme ça, est-ce qu'il vous arrive d'emprunter des voitures ? Ça, c'est toujours le soir, la nuit. Style minuit. Minuit, 1h du matin. Ben là, jusqu'à... Tout dépend du plein de la voiture. Quand il y a le plein, ben, on roule jusqu'à temps qu'elle soit vide. On la crève. Qu'est-ce que vous préférez voler comme voiture ? BMW. Pourquoi ? Parce que ça... Ça a de la reprise. C'est sport, c'est... C'est confortable dedans, c'est beau comme voiture. Puis ça avance, ça a de la patate. Sinon, le Golf GTI, truc comme ça. Mais le plus, même dans les autres cités, c'est BMW. Et t'as déjà eu des problèmes avec la police ? Ouais. Quelle sorte de problème ? Qu'est-ce qui se passe ? Ils viennent, vous demandez vos papiers, ils font des vérifications. Ah ouais, ça, c'est leur routine à eux. Ils arrêtent, ils vous fouillent, ils vous demandent des papiers, c'est tout. Mais tu t'es déjà fait arrêter pour quelque chose de précis, pour un vol Ouais. Ça se passe comment en général ? Ben, moi je dormais, 2-4 ailes de gendarmes sont venus, mon père m'a dit lève-toi, ils viennent pour toi. J'étais accusé de cambriolage et tout, ils m'ont embarqué, ils ont tapé une perquisition chez moi et puis, comme ils n'ont rien trouvé, ils ont laissé tomber l'affaire, m'ont mis en surveillance libérée pendant 48 heures, le temps de finir l'enquête. C'est tout. Hein. Et t'es déjà passé devant le juge des enfants ? Ouais, j'ai rendez-vous aujourd'hui à 4h. Et ça se passe comment quand tu vas voir le juge ? Bon, ça se passe. Je pense que ce bonhomme, il est juge, que c'est Dieu. Hein. Ce bonhomme, on lui dit bonjour. Puis, il va nous parler, il va nous taper une petite morale. Il va nous dire ce qu'on veut faire, tout ça, pour essayer de nous placer, de nous mettre dans le bon chemin. Hein. Sans trop pousser, pour pas qu'on s'en aperçoive. Et puis... Est-ce que tu as l'impression qu'il te comprend, le juge des enfants ? Ouais, mais il comprend. On sait très bien, ça se voit quand il parle qu'il comprend pas aussi bien que l'éducatrice. L'éducatrice, elle comprend mieux le jeune. Les jeunes. Mais à ton avis, l'éducatrice, le juge, qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour toi ? Bah, ils peuvent faire beaucoup de choses. Hein. J'ai l'éducatrice, elle m'a sorti de la merde avec les flics et tout. Autrement là, qu'est-ce que tu vois ? Ton avenir, tu vois comment ? Est-ce que tu envisages l'avenir à long terme ? Non, c'est pas bien. On peut très bien travailler, mais le jeune, quand il voit... Il sait qu'il travaille pendant 8 heures par jour, pendant toute la semaine. Qu'il... Il sait que ses copains, eux, ils sont là, ils sont contents, ils foutent rien. Ça... Mais t'as envie de travailler, toi ? Non, mais faut bien se caser au bout d'un moment. Faut... Je sais très bien que si je continue comme ça, je vais arriver à 18 ans. Parce que ce qui va m'arriver, mon père, il va me foutre à la porte. Il va me dire, travaille pas, c'est fini, j'ai plus besoin de te nourrir. C'est vrai pourtant. Hein. Parce que c'est. Ce seront mes parents qu'ils vont me garder éternellement. Hein. Si je travaille pas, il faudra qu'ils me nourrissent. et tout. Bah, qu'est-ce que je vais faire? Je vais me retrouver à la rue, ce que je vais faire. Que des adultes et le patron avaient l'œil vigilant. En voyant notre voiture. La police ne fait rien, ou encore la police ne peut rien faire. Combien de fois avons-nous entendu cela au Canibou? Un après-midi, nous avons donc accompagné les policiers, embarqués dans une modeste R4 de la brigade des mineurs des Hauts-de-Seine. Tu m'as dit 14. Hein. 14. Une quinzaine de interrogés. Ils ont interrogé. Nous avons suivi les deux inspecteurs et l'inspectrice de service ce jour-là. C'était une ronde de prévention à travers les différentes cités de Nanterre. Objectif des policiers, rechercher le contact avec les jeunes. Ça va? Très intéressant. Ah bien sûr, on est très intéressant, nous. Hein, vous pouvez c'est nous... vrai. Ouais, micro, là. Bonjour. Bonjour. Bonjour, mademoiselle. Bonjour. Bonjour. Hein? Oh, passe... Oui, on va savoir qui vous êtes. Oui, bien sûr, c'est la brigade des mineurs des Hauts-de-Seine. Ah, voilà. Dans un cas comme celui-ci, la caméra fausse bien sûr le jeu. Mais ces dialogues ou ces tentatives de dialogue dont nous avons été les témoins sont, paraît-il, utiles. Moi, je peux pas qu'il y a vous. Pourquoi sans moi? Parce que je peux pas. Hein? C'est tout. Mais explique-nous pourquoi. Attends, on est amis. On se connaît, non? On se la gueule au 204, on est amis. On se connaît, non? Et pourquoi il t'a baisé la gueule? Cependant, ces enquêteurs qui parfois prennent des allures d'assistante sociale manquent de moyens pour ce travail de prévention. La brigade des mineurs des Hauts-de-Seine, c'est 30 fonctionnaires pour un département de 1 500 000 habitants. La grande partie de gendarmes et voleurs se joue ici, au Quatre Temps, le centre commercial de la Défense. Pour tous les jeunes qui habitent dans les cités, c'est la terre promise. Un ticket de bus ou un ticket de métro, et en quelques minutes, ils se retrouvent au milieu des lumières et des boutiques, loin de leur béton. On va voir ce qui se passe là, juste là. Viens, on va voir là. Pardon. C'est trop de monde. Qui est l'heure en plus? Ah, j'ai pas l'heure. Ceux qui ont de l'argent s'y éclatent, s'amusent si vous préférez. Pour les autres, traîner aux quatre temps, c'est une autre forme de la galère. Regarde-le, il s'éclate tout seul. Non, c'est pas ça. Regarde. Un soir, nous avons vu une bande de gosses détaler après avoir cassé une vitrine. Cependant, la plupart du temps, les chapardages commis aux quatre temps sont de petits chapardages. C'est leur répétition qui provoque l'exaspération des adultes. Là, c'est le papier, mon briquet. Je suis née le 1963. C'est ça ? À France, dans Maine-et-Loire. Can't speak French. Pardon. Vous êtes entré quand en France? Mais il est marqué ici sur le... C'est ça. Les jeunes de leur côté se sentent encore plus frustrés, surtout lorsqu'ils n'arrivent pas à s'incruster, comme ils disent, traduisés, à entrer dans l'immense boîte de nuit ouverte jusqu'à 6h du matin. L'entrée est de 60 francs, mais il faut être accompagné, et quand on vient d'une cité, sortir une fille, ce n'est pas non plus évident. Pendant ce temps, dehors, la police multiplie les contrôles sur les passages obligés entre Paris et la banlieue. Il s'agit de stopper la progression de la drogue vers les cités, un fléau qui a gagné du terrain ces derniers mois. Quel âge? Il n'a pas de papier. 18 ans. Et toi? Quel âge là? 18 ans. Tu ne travailles pas? Si, je ne travaille pas. C'est toi, au passage? Mais quel passage? Une rue qui monte comme ça. Comment il t'a payé ça? 50 francs. 50 francs pour la vieille? Qui c'est que t'as donné l'argent pour ça? Bah, j'en ai quand même un peu des fois. Mais tu travailles pas? Mais si, je travaille. Alors tu vois, tu dis que t'es malade comme tout, tu manges pas, que t'as des problèmes et tu achètes de la drogue et tu te drogues avec. Mais non, j'ai pas d'appétit pour manger, c'est tout. Mais... T'as pas d'appétit, mais t'as qu'à pas fumer. Mais c'est pas à cause de ça, puisque j'en prends pas tout le temps de ça. Bah, t'en prends pas tout le temps, pourquoi tu les trimbales sur toi et pourquoi tu vas en acheter alors? Mais c'est pas toujours aussi, moi ça m'arrive qu'en fin de semaine, c'est tout. Et bien celle-là, on l'a acheté là. Ouais, c'est quoi, déjà, t'as déjà été t'étais fiché pour ça déjà? Hein? T'es fiché pour ça? Une fois, je me suis fait arrêter aussi avec ça. Où ça? Bah, à Paris. Il y a combien de temps? Il y a à peu près 3 semaines. 3 semaines? 3 semaines. Ouais. Et tu remets ça? Là-bas? Bah... Attends, je vais pas tout prendre, là, c'est mal l'autre. Voyez, voyez, moi, ça... Je vais comprendre. Et la poudre, c'était quelle poudre? C'est du brown sugar. Combien de sniffs par jour? 1 gramme pour près par jour. Et combien le gramme vous l'achetiez? 600 francs. Donc 600 francs par jour? Oui, 600 francs de par jour. Il vous fallait? Oui. Et comment vous les obteniez? J'ai revendu tous mes bijoux que j'avais en or, que j'ai eu depuis que j'étais tout petite. Ça a changé les rapports même des jeunes à l'intérieur de la cité, le fait qu'il y en ait certains qui se droguent? Beaucoup. Énormément. Énormément même. Ça a changé en gros. Parce que il y a un temps où, à la cité, ici même, tous les jeunes se rassemblaient. Tous autant qu'on est, on se rassemblait tous. On était là, on venait ici, on discutait de choses et d'autres. On allait au terrain de foot, on en trouvait... C'est pas une équipe qu'on trouvait, on trouvait 10 équipes. 10 équipes pour jouer. C'est arrivé. Dès que la drogue est arrivée, on ne trouve plus personne. On ne sait plus avec qui discuter. On peut pas y aller dire. Je sais pas, si on peut discuter avec un mec qui se drogue, nous, bon, on les connaît. On a l'habitude de les voir. On peut discuter avec lui. Mais quand il shoot, il a tendance à ne pas vouloir discuter parce qu'il est bien dans sa peau. Il est autre part. Actuellement, la majorité des jeunes qu'on reçoit à partir de l'âge de 12-13 ans, c'est triste à dire, c'est à cause des problèmes de drogue. Et je ne parle pas des drogues douces, parce que ça n'existe, enfin, c'est pas assez nocif, mais surtout des drogues dures. Enfin, le LSD, le cocaïne, l'héroïne. Et la majorité des jeunes de 13, 14, 15 ans qui vont en prison, c'est à cause de ça, parce qu'ils piquent pour avoir 1 gramme d'héroïne qui coûte 1000 francs. Avec la prison, c'est l'engrenage ensuite, c'est-à-dire qu'ils ne trouvent pas de travail non plus. Est-ce que la prison est une réponse à leurs problèmes? C'est pour nous, c'en est sûrement pas une. Mais eux, ils s'en foutent. Parce que c'est des jeunes qui finalement sont arrivés à un moment où ils sont complètement indifférents de tout ce qui les entoure. Donc ils n'ont même plus de sentiments. Bon, moi, j'ai rencontré un jeune de 13 ans. C'était à l'époque où le tribunal de Nanterre, il y a eu la loi où même les jeunes moins que 16 ans, ils peuvent aller en prison pour une durée de 10 jours. Qui faisait de la prison, enfin une semaine sur l'autre. Puis finalement, ils s'en foutent complètement. Ils disent à l'intérieur ou à l'extérieur, pour moi c'est pareil, je préfère sortir, faire un petit coup, avoir 3 000-4 000 balles, les dépenser, puis retourner en prison. Enfin, ils n'ont plus de sentiments, ils n'ont plus de sensations pour ça. Saïd habite la dernière HLM au nord de la cité, aux confins de Nanterre et de Colombes. C'est un personnage important au Canibou. Il est l'ami de tous les jeunes, il condamne la drogue, il ne refuse jamais son aide aux copains en difficulté. Vers la fin du reportage, il nous a expliqué que lui-même avait été 2 fois en prison. Les gens attrapent les voleurs, les condamnent, mais ne cherchent pas à savoir pourquoi ils ont fait ça. Toi, pourquoi tu es en prison? Ben, j'étais pour... Un cambriolage, quoi. Les 2 fois? Non, la première fois, on m'a accusé de choses que je ne tiens pas à dire, quoi. Et la deuxième fois, pour le cambriolage, t'es resté combien de temps en prison? 1 an. Mais qu'est-ce que ça a apporté, la prison? Qu'est-ce que ça apporte à un jeune qui, quand il va en prison? Est-ce que tu es sorti de là différent? Qu'est-ce que ça t'a apporté? Je vais te dire, pour moi, ça... Ça m'a apporté quelque chose parce que j'ai vu comment j'ai souffert dedans. Parce que pour dire, j'ai souffert. Mais il y en a d'autres qui passeront 3 ans, 4 ans et puis ils s'arrêteront pas. C'est peut-être un vice. C'est un vice. Moi, pour moi, bon. Pour l'avenir, je peux pas te dire ce qui va se passer parce que seul Dieu le sait. Mais actuellement, je sais que j'essaierai pas de recommencer parce que un an, ça m'a suffi, tu vois. Et à l'heure actuelle, tu es toujours en chômage, tu n'as pas de travail? Toujours. C'est-à-dire que, par exemple, si tu arrives de faire un autre cambriolage maintenant, tu risques combien? Je peux prendre un 2 ou 3 ans. Facile, parce que pour eux, une punition, c'est simple, ça se passe comme ça. Ils te donnent 3 mois. C'est un avertissement, c'est la première fois, ils te donnent 2 mois. Bon, si tu reviens, ils te donnent un petit 6 mois. Mais s'ils voient que tu reviens une troisième fois, alors ils t'alignent. Ah, ils disent, tu veux pas comprendre, et ben nous, on va te faire comprendre. Et ils croient que les gens comprennent. Du moins les délinquants, pour dire en gros. Ils croient que les jeunes délinquants comprennent, mais en fin de compte, ils comprennent rien. Ils sont maîtres, tant qu'on est dedans, ils sont maîtres. Ils sont maîtres de nous. Mais une fois qu'on est à l'extérieur, ils sont plus maîtres. Ils ne peuvent pas voir ce qu'on va faire. Saïd a 7 frères et 1 sœur. Ils habitent cet appartement de 5 pièces pour un loyer de 1200 francs par mois. Les enfants en âge de travailler sont au chômage. La mère est femme de service le matin. L'après-midi, elle fait des ménages. Elle quitte la cité à 6 heures du matin. Elle revient le soir à 9 heures pour 3000 francs par mois. C'est le seul salaire qui rentre dans la maison. Saïd est sorti de prison il y a 2 mois. Actuellement, 2 autres de ses frères sont à Fleury-Mérogis. Je le donne 5000 francs par semaine. Moi, je n'ai 5. Moi, je trouve pas un gosse de 20 ans. Je crois qu'il a 5000 francs pour un enfant de 20 ans à 19 ans, il n'a pas assez. À 19 ans, il faut qu'il va avoir un. Je veux m'excuser des. Il faut qu'il ait le droit de sortir avec une fille, il a le droit de rentrer dans un café, il a le droit d'acheter quelque chose qu'il voudra. Il trouve. Il n'a rien du tout. Il n'y a pas de travail, il n'y a rien du tout. C'est normal que. Il fait des conneries. Ils ont fait des bêtises. Moi, mes gosses, ils ont fait des bêtises. Moi, j'ai 2 gosses en prison. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont volé, j'ai pas de travail. Et vos fils qui sont en prison, est-ce que vous avez le temps d'aller les voir? Non, non, je n'ai pas le temps. Pourquoi? Je travaille toute la journée, je peux pas. Et je crois que vous avez aussi le fils. Non, c'est pas, je peux pas le voir, je suis pas courageuse de le voir là-bas en prison. Tu vois? Je n'ai pas du tout croisé de voir mes gosses en prison. Comment est-ce que vous pouvez voir l'avenir de vos enfants dans cette cité actuellement? J'ai peur. Même si c'est trop, j'ai peur. Pourquoi? Parce que comme on en a 2 en prison, j'ai peur de. Eh ben, j'aimerais pas tomber sur un gars qui touche un de mes enfants ou qui casse un appartement ou qui casse une cave, parce que là, je crois que je vais lui faire sa fête. Hein. Et je crois que sa fête, elle va être bonne, parce que je vais sûrement lui passer l'envie de manger du pain. C'est-à-dire, vous allez le tuer? Alors, quand même pas en arrivant là, mais lui reprendre à travailler et à vivre honnêtement comme tout le monde. Est-ce qu'il y a des groupes de défense ici? Eh ben, on n'est pas près, on n'est pas loin d'en faire, parce qu'on en a marre. On n'est pas protégé, on n'a pas de. Les agents de police ici, on les voit pas. Il y a des gens prêts à tirer. Ben, je le sens. On le sent, mais enfin, on ne souhaite pas. On ne souhaite pas en arriver là. Hein. Et ça, alors, qu'est-ce que c'est? On nous a montré ça tout à l'heure. Eh ben, ce sont des matraques qui ont été faites par des gens qui en ont marre et qui veulent sûrement s'en servir un jour, le jour où on. C'est regrettable d'en arriver là, vous voyez. Vous êtes le premier à. C'est vraiment une honte d'arriver là. Vous en avez une de matraque? Non, moi j'ai pas besoin de matraque. Mais il y a des gens, on les distribue, alors les gens vont se défendre avec ça. Oui, il y en avait pas mal de distribués déjà. Mais je pense qu'une bonne crosse de fusil, ça fait beaucoup de mal qu'une matraque. Mais dites-moi, c'est très dangereux, je veux dire. Vous... Ah, ça tue. Et un gars qui a peur peut faire beaucoup de bêtises et il en fera sûrement le jour. Tout ce qu'on a pu voir, c'est la peur qui a incité les gens à se défendre. C'est pas du courage, c'est la peur. Vous, monsieur, vous êtes au courant de ces matraques, hein? Oui, bien sûr. C'est quoi ça? Alors, c'est vous qui avez fait faire ça? C'est à la demande de certains locataires. Ils ont un soin entreposé chez moi, si vous voulez, mais je ne suis pas l'instigateur de la chose. Pas. Mais disons que certains locataires ont demandé à un monsieur qui travaille dans la maison qui fabrique ses câbles, de leur procurer des morceaux de 50 cm pour faire des matraques. Mais vous pouvez tuer avec ça? Disons que, non, enfin, tout dépend comment on s'en sert. Il ne faut pas taper sur la tête, évidemment, mais si on tape sur la clavicule, ça risque de faire des dégâts au niveau de la clavicule. Disons que ça ne peut que blesser, à condition de ne pas taper sur la tête. Et alors, bientôt, les locataires vont se promener avec ça? Surtout la nuit. Surtout la nuit, quand ils se déplacent sur le parking, et quand, en plus, le parking n'est pas éclairé, ils ne se sentent pas tranquilles avec ça, ils se sentent plus sûrs d'eux, vous voyez. Ils sortent avec ça dans les mains, bon, ou dissimulés dans un manteau ou dans un blouson. Ils dissimulent, bien sûr, ils ne se promènent pas avec ça à la main, hein. Mais s'ils sont agressés, forcément, ils vont taper, hein, ça c'est sûr. C'est pour vous dire à quel point les gens sont inquiets. Ce qu'il ne faudrait pas, c'est que la population française en général se crispe sur ses peurs, se crispe sur cette espèce de montée de la violence qu'on a quand même un petit peu fabriquée, il faut le dire. Et du coup, renforce cette spirale en excluant l'avantage qui entraînera plus de violence, qui entraînera plus d'exclusion, on ne s'en sortira pas. Donc je crois que là, c'est très important d'arriver à briser ce cycle. Si on ne le brise pas, je ne sais pas où on ira. On était parti avec 43% d'augmentation des détentions des mineurs l'année dernière. Bon, donc on ne peut pas dire qu'il y ait un laxisme, au contraire. Moi, je veux dire, c'est sans fin. C'est sans fin, parce que plus on va exclure, et plus on va avoir de violence. Et c'est cela que nous voulons éviter. Jusqu'alors à Nanterre, compte tenu de la politique de la municipalité, qui a été toujours une politique d'apaisement et de recherche de compréhension des différentes communautés, nous sommes parvenus à éviter le pire. Et je pense que nous pouvons parvenir à continuer à éviter le pire. Nous ne sommes pas garantis contre cela. On a démoli les bidonvilles, on a construit des cités. Faut-il maintenant démolir ces cités? Il n'y a pas de doute, il y a des huppes qu'il faut démolir. Comment est-ce qu'on va s'en sortir? Comment est-ce qu'on commence à s'en sortir, par exemple, sur la cité des 4000 à Bobigny? C'est parce qu'on a réduit le nombre d'habitants et qu'il y a un certain nombre de logements qu'on va laisser. Je crois qu'il faut casser, briser ces grandes cités, parce que sans ça, on ne s'en sortira pas. Condamner les huppes, comme si le bruit des pelleteuses pouvait d'un seul coup effacer le chômage de Mustapha. La couleur de la peau de Saïd, la hargne des boulistes. Tout ce que nous avons recueilli en une semaine ordinaire de balade du côté de la cité des Canibous. L'extinction des feux. La soupe. Merci, Madame la Présidente. Monsieur Darmanin, ce vendredi, les syndicats factieux Alliance et UNSA Police ont menacé le pouvoir exécutif dans un communiqué. Après avoir menacé les pouvoirs législatifs et judiciaires, c'est un nouveau cap qui est franchi. Quand rappellerez-vous à Alliance que la police n'est pas là pour donner des ordres, mais pour servir et obéir? La vérité, c'est que vous êtes paralysé par la peur. Vous avez peur de finir comme Monsieur Castaner, limogé en 48 heures pour avoir dénoncé les clés d'étranglement. Vous avez peur de fermer la cagnotte de la honte lancée par un raciste pour récompenser le meurtrier de Naël. Vous avez peur que la police se retourne contre vous après l'avoir utilisée pour faire passer en force votre réforme des retraites. Voilà ce qui arrive quand on fait reposer l'autorité de l'État non sur l'adhésion, mais sur la répression. Cette peur paralyse votre action. Cette peur est celle qui vous empêche d'agir quand l'ONU dénonce le racisme dans la police. Mais vous niez ce racisme et la présidente macroniste de l'Assemblée dit que la police exerce sa mission d'une façon merveilleuse. Au nom de Taïsir, Gabriel, Samy, Kivi, Gangali, Mohamed, six jeunes de ma circonscription âgés de 13 à 17 ans, je veux vous parler de cette merveille. Ferme ta gueule, tête de chien. Tu veux qu'on t'encule ou quoi? Ces propos sont ceux de policiers à ces jeunes gens. Ils vous choquent, tant mieux. Peut-être que vous allez réagir. Le code de déontologie dit que le policier doit se comporter d'une manière exemplaire qui inspire en retour respect et considération. Pensez-vous que ces insultes inspirent respect et considération? Pensez-vous que quand ces syndicats policiers parlent dehors de sauvages, de nuisibles et de guerre, ils emploient autre chose qu'un vocabulaire raciste? Car la guerre, c'est contre un ennemi de l'intérieur. Il n'existe pas en République d'ennemi de l'intérieur. Le racisme est un délit, c'est le poison de la République. Quand allez-vous limoger et punir les policiers racistes qui salissent l'uniforme de leurs collègues républicains? Quand allez-vous faire justice aux jeunes comme Taïsir qui résument, eux, leur attachement à la République par une phrase simple? On est tous français, on doit avoir les mêmes droits. Merci beaucoup. Pourquoi t'es arabe? Pourquoi tu fais le ramadan? Tu peux pas être comme tout le monde? Qu'est-ce que tu fous dans ce pays? Qu'à soir, rentre chez toi. En quelques jours, Amar Ben Mohamed devient le visage du premier policier lanceur d'alerte. Je vous cache pas, ma carrière est foutue. On me le dit clairement, t'es grillé, t'es carbonisé, t'es mort, t'es... Les abus qu'il dénonce se sont déroulés dès 2017 à l'ancien et au nouveau palais de justice de Paris. Dans ce qu'on appelle le dépôt, ces dizaines de cellules au sous-sol où patientent les déférés avant de voir un juge. On avait un tout petit groupe qui arrivait au printemps 2017, qui sortait d'école. Et donc ces jeunes collègues se permettaient déjà des insultes. C'était souvent sur les Maghrébins, les Africains. Et c'était des insultes parce que c'est un dépôt. Un dépôt, c'est violent. Il y a de la tension. Les gens ont peur d'aller en prison, ce genre de choses. Donc ils posent des questions. Des fois, ils peuvent être agaçants, saoulants. Et là, les collègues réagissaient par des « ferme ta gueule, sale bougnoul, va mourir, sale négro ». Tu nous fais chier avec ta religion de merde, c'est vous qui foutez la merde en France. Et puis ça allait, si on me laissait faire, moi je t'égorgerais, je te brûlerais, je t'enverrais au bled, tu verrais, ils te régleraient ton compte. Des insultes quotidiennes qui émanent principalement de deux jeunes policières particulièrement agressives. Comme cette nuit-là, où elles vont jusqu'à réveiller les 200 détenus du dépôt à coups d'insultes racistes diffusé dans les haut-parleurs. Vers 2h30 du matin, il y a un appel général qui a été fait avec le micro au haut-parleur, donc qui touche les deux étages où sont entreposées les personnes dans les cellules. Et le message était « Debout les bougnous, les négros, il est l'heure de se réveiller, on en a marre de vous ». Voilà, à deux reprises. Quand vous avez appris ça, vous avez pensé quoi ? C'est quelque chose à la fois de sadique et de lâche. Et puis en plus, c'est exposer tous les autres collègues à peut-être potentiellement des violences, des blessures. Et même pour leur propre sécurité, on leur disait « mais arrête tes conneries, arrête !»« Tu nous fous dans la merde, tu vas te foutre dans la merde. » Un jour ou l'autre, il y en a un qui va... Je sais pas, il va te crever un œil, il va t'arracher une oreille, il va peut-être tout simplement réussir à t'étrangler avant même qu'on arrive. Et bonjour, messieurs les marchands des tableaux. Je cherche un tableau représentant un paysage, de préférence dans son cadre, pour qu'il soit pas trop dépaysé. Si vous avez quelque chose de gai, parce que mon intérieur est triste, de la peinture à l'huile, parce que la peinture à l'eau, ça s'en va au premier lavage. Moi, je tiens un coup d'œil, là, si vous permettez. Oh là là, elle est pas gaie celle-là, hein? Avec les cheveux qui lui tombent autour des fesses, là. C'est qui la dame, là? Bernard Biffette. Ah bon, je les voyais pas comme ça, moi. Mais... Ah, c'est la femme triste de Bernard Biffette. Ah oui, c'est pas Bernard Biffette. Ah oui. Ça, je me disais aussi, c'est oui. Ça, pour être triste, elle a l'air triste, hein? On sent que ça a dit l'emmerder de poser toute nuit comme ça pendant des heures. Hein? Bon, vous voyez? Si j'avais ça au-dessus de mon lit, déjà que ma femme, elle n'est pas gaie, elle serait deux à me faire la gueule. Et la dactylo noire, là, qui tape à la machine, c'est qui, là? La dactylo noire, là, qui tape à la machine. Hein? Ah, c'est Louis Armstrong qui joue du piano. On n'y comprend plus rien avec la pointe moderne, hein? C'est de qui, ça? Moretti. C'est celui qui l'appelle la Joconde, ça, non? Ah, vous avez raison, oui, j'ai confond avec Léonard de Vinci. Oui, Moretti, il n'est pas de Vinci, il est de Vincennes. Je l'ai rencontré le plus. Il faisait son marché. Et l'homme oiseau, là, c'est qui? L'homme oiseau, là, Chagall. Ah bon. Mais c'est pareil, on n'y comprend rien du tout. Ça représente un homme avec une tête d'oiseau qui tient dans son bras gauche une horloge et dans son bras droit une jambe de femme. Qu'est-ce que c'est ça? Qui te dit, a priori, c'est un type qui a fait des affaires au marché aux pices. Et c'est moderne aussi, ça? C'est naïf. Ah bon, c'est naïf. Et ça coûte combien, les naïfs? C'est les... Oui, l'original, oui. 2 millions. Ouais, dis donc, 2 millions anciens. Nouveau. 200 millions. Eh ben, dis donc, pour un naïf, il se débrouillait pas trop mal, hein? Oh là là! Qu'est-ce qui lui est arrivé à celui-là? Il est tombé de son cadre, celui-là, non? Regarde-moi ça, il a un œil en dessous de l'autre, il a une oreille rentrée dans la bouche, il a le menton qui lui remonte jusqu'au front. Qu'est-ce qui lui est arrivé à celui-là? Il est soldé, celui-là, non? C'est qui, ça? Qu'est-ce que c'est, celui-là? Picasso? Le grand Picasso? Bah, dis donc. Ah, moi, à la place de Picasso, je l'aurais pas signé, celui-là. Parce que c'est pas pour critiquer, mais les jours ou la nuit où il a peint ça, il devait tenir une sacrée cuite, hein. Elle a même pas les yeux en face des trous. Et c'est naïf aussi, ça. C'est typique. Ah bon, c'est typique. Ah oui, je voyais bien qu'ils a tourné par rond, hein. C'est de la pointure typique, quoi. Et ça représente quoi, un homme, une dame? Une dame. Ah bon? Et vous croyez qu'elle l'a vu, son portrait, après? Elle n'a pas dû être contente, hein? Vous imaginez Picasso, au temps de l'Inquisition, en train de peindre, je ne sais pas moi, la reine d'Espagne, Isabelle la Catholique, de cette façon-là? Il finissait pas le tableau, hein? C'était ou les cachots, ou les fachos, ou les chapeaux. Et ça coûte combien, la pointe typique, là? L'original? 6 millions. Encore plus cher que l'autre. Mais 6 millions anciens, cette fois. Quoi nouveau? 600 millions? Eh ben, dis donc, ça rapporte la pointure typique, hein? Moi, demain, je vais me mettre à fabriquer des caleçons molletonnés avec une jambe plus courte que l'autre et la braguette au derrière. Je dirais aux clients, c'est pas un défaut, c'est un caleçon typique. J'aurais bien de la chance, moi. Alors... Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce point hebdomadaire du groupe parlementaire de la France Insoumise NUPES. Je suis avec André Torigna, qui avec Hugo Bernalici est chef de file sur le projet de loi justice dont elle pourra vous parler, qui a commencé cette semaine dans l'hémicycle. Je voudrais commencer par redire qu'il y a une semaine, un jeune de 17 ans, Naël, a été tué par la police. Je voudrais commencer à le redire parce que je vois bien de quelle manière le pouvoir fait aujourd'hui des diversions pour qu'on ne parle plus du meurtre de Naël. Et je le dis d'autant plus fortement que vous n'avez pas un seul acte politique qui a été posé par le pouvoir sur cette question depuis maintenant une semaine. Pourquoi le pays s'embrasse-t-il sur la mort de Naël? D'abord parce que ce n'est malheureusement pas un drame extraordinaire, c'est un drame qui s'est produit plusieurs fois et dont nous voudrions que le pouvoir enfin prennent le parti de dire que plus jamais il ne pourra se reproduire. Nous avons un problème systémique dans la police. Lorsque, en Allemagne, vous comptez un mort pour refus d'obtempérer en 10 ans, et qu'en France, vous comptez 16 morts pour refus d'obtempérer en 1 an et demi. Nous avons un problème systémique dans la police. Lorsque l'Organisation des Nations Unies, après avoir appelé il y a 2 semaines et demie de cela, à ce que la France revoie entièrement la manière dont la police est organisée dans notre pays, de nouveau alerte ce vendredi pour dire qu'il y a un problème systémique de racisme dans la police et que la seule réponse du gouvernement est la négation sur cette question. Nous avons un problème avec ce gouvernement qui refuse de tirer les leçons de ce drame. Lorsque aucun ministre, aucun secrétaire d'État n'est présent à la marche d'hommage à Naël, aucun député macroniste, aucun sénateur macroniste. Lorsque le président de la République ne va pas voir la mère de Naël Et j'ai entendu qu'il y avait une instruction, ce qui empêcherait qu'un président de la République aille voir une famille endeuillée, pour apporter la solidarité de la nation. Pourtant, ça s'est déjà fait. Y compris lorsqu'il n'y a pas mort. Rappelez-vous de François Hollande, avec la famille de Théo, qui lui s'était rendu auprès de la famille. Pourquoi n'y a-t-il pas, ne serait-ce que le début d'une empathie et d'une compréhension de ce qui est en train de se passer dans le pays et qui divise l'unité du pays ? Pourquoi, alors que cela fait une semaine, ce gouvernement n'a pas avancé d'un pouce sur ce que nous dénonçons ? D'abord, la question de la loi permis de tuer de février 2017 de Bernard Cazeneuve, qui a fait augmenter par 5 le nombre de tirs mortels sur les véhicules en mouvement. Rien n'a été fait sur cette question. De même, pourquoi le pouvoir ne réagit-il pas à la proposition du syndicat de la magistrature pour faire en sorte que toutes les affaires de violences policières soient dépaysées afin qu'elles puissent être traitées correctement? Pourquoi ce gouvernement ne demande-t-il pas à ce qu'il y ait, comme nous le proposons, un comité vérité et justice pour faire la lumière sur le nombre de morts par refus d'obtempérer et d'autres? J'y pense parce que notamment cette semaine, vous le savez, et je pense qu'elle va prendre une dimension d'autant plus grande, vous avez la marche annuelle qui a lieu chaque année sur la mort d'Adama Traoré, où là aussi, la famille d'Adama Traoré demande depuis des années la vérité et la justice sur la mort d'Adama. Vous n'avez pas un seul acte politique, pas une seule réponse politique qui a été apportée par ce pouvoir. Et ils ont beau faire diversion en pointant la France insoumise comme les irresponsables, en pointant les jeux vidéo comme Monsieur Trump le faisait, j'espère que vous l'avez noté, ou en pointant la responsabilité des parents comme s'il n'y avait aucune responsabilité collective, et en culpabilisant des gens qui, bien souvent, sont dans des quartiers, des femmes seules avec enfants qui font ce qu'elles peuvent lorsqu'elles doivent commencer à aller travailler très tôt le matin, à revenir tard le soir, lorsque toutes les associations, les centres sociaux, les associations de mamans isolées ont petit à petit soit été fermées, soit été amoindries dans leurs moyens. Ce sont eux les irresponsables de ne pas apporter une seule réponse politique. Jusque hier, lorsque la Première ministre réunit les présidents de groupes parlementaires de l'Assemblée et du Sénat, où la Première ministre ose me dire cette phrase: les émeutes dans ce pays n'ont rien à voir avec la mort de Naël. Alors expliquez-nous pourquoi cette colère n'a pas été exprimée il y a une semaine, il y a 2 semaines ou avant. Et la question surtout qui se pose, c'est: va-t-on continuer à ne pas traiter les questions systémiques des violences policières qui nous sont pourtant adressées par l'Organisation des Nations Unies, avec des rappels à l'ordre du Conseil de l'Europe, avec des rappels à l'ordre d'Amnesty International, de la LDH et de tant d'autres, qui disent « nous devons refonder la police ». Parce que sinon, non seulement nous aurons un nouveau drame comme celui que nous venons de vivre, avec des nouvelles familles endeuillées, et je le dis, nous savons très bien quels enfants cela touche. Vous avez vu ce rapport du défenseur des droits qui expliquait que lorsque vous étiez perçu comme noir ou arabe, vous aviez 20 fois plus de risques de vous faire contrôler. Lorsque vous êtes perçu comme noir ou arabe, je ne sais pas combien de risques en plus vous avez de vous faire tuer pour un permis d'obtempérer, mais ce sont toujours les mêmes qui meurent. Et je le dis, s'il n'y a pas de réponse politique, alors la colère pourra éclater de nouveau, que ça soit demain, le 14 juillet ou à d'autres moments. Et qu'il ne peut pas être question d'avoir une simple réponse sécuritaire, comme ça a été fait avec l'envoi du GIGN, du RAID, de la BRI, ou judiciaire, puisque comme le disait notamment le syndicat de la magistrature, et je vois les peines extrêmement lourdes et expéditives qui ont commencé déjà depuis lundi, il ne peut pas être question pour la justice de résoudre les causes d'une colère comme celle que nous vivons aujourd'hui dans le pays. Et je vais vous dire le problème que nous avons. De manière très claire, nous avons un pouvoir, et la visite d'Emmanuel Macron le montre encore hier, nous avons un pouvoir qui a peur de la police. Nous avons un pouvoir qui ne contrôle plus sa police. Je rappelle que Monsieur Castaner a été débarqué de son ministère parce qu'il proposait qu'on interdise les clés d'étranglement, c'est-à-dire qu'on ne puisse pas faire un geste qui a étouffé des gens dans ce pays. Eh bien, il n'est plus ministre. Et que se passe-t-il lorsque vous voyez un communiqué de presse d'une police qu'on peut appeler factieuse ou en sédition, qui parle de guerre contre l'invisible, qui dit « nous ne sommes plus dans l'activité syndicale, mais nous sommes en guerre », qui parle de hordes de sauvages pour parler d'une partie de la population, silence radio de la part du pouvoir, si ce n'est ces petits mots qu'a dit Darmanin, une grande condamnation, ce ne sont pas mes mots. Quant à Dupond-Moretti, il a dit « je ne veux pas commenter ce communiqué du syndicat Alliance et de l'UNSA ». Que se passe-t-il quand vous aviez sous les gilets jaunes une cagnotte qui était celle qui avait été créée pour un boxeur gilet jaune, qui a été fermée en moins de 48 heures, quasiment en 24 heures, avec des mots extrêmement durs du pouvoir à ce moment-là? Quels ont été les mots sur cette cagnotte où, en quelque sorte, vous êtes récompensé, un policier est récompensé pour avoir tué un jeune arabe dans un quartier populaire de 17 ans? Ça n'aide pas à l'apaisement, dit la Première ministre. Mais quand est-ce qu'ils vont agir pour que cette cagnotte, qui est une insulte à des millions de gens dans ce pays, soit enfin fermée? De même, où sont les mots du gouvernement, de ceux qui aiment à ce qu'on appelle au calme, pour appeler au calme lorsque des milices d'extrême droite à Lorient vont arrêter des gens de manière extrêmement violente, leur mettre des serflex autour des poignets et les livrent à la police, avec une police qui dit « oui, ça nous aide qu'ils soient là ». Où sont les condamnations de ce pouvoir lorsque des militants d'extrême droite défilent dans les quartiers, dans les différentes villes de France, sans qu'il ne se passe rien? Nous sommes dans un moment extrêmement dangereux. Et je le dis, la seule chose que nous voulons nous respecter, c'est la question des fondements de l'état de droit. Et dans les fondements de l'état de droit, on ne peut pas assassiner un enfant, qu'il y ait un meurtre d'enfant, si vous ne voulez pas qu'il y ait une volonté derrière, sans que rien ne se passe dans ce pays. Donc la première des choses que nous demandons, c'est qu'il y ait des gestes, des actes qui soient posés, qui soient des actes politiques, et qui permettent en quelque sorte d'envoyer un message aux millions de gens de ce pays pour dire « nous avons compris ». Qu'il n'est pas possible de continuer avec autant de morts pour refus d'obtempérer. Nous avons un problème systémique. Ce n'est pas faute d'avoir alerté des dizaines et des dizaines de fois, parfois en nous prenant des polémiques extraordinaires sur cette question. Alors, pour une fois, je vous adjure, passez au-dessus des mots et entendez ce que dit notamment l'ONU sur cette question. Est-ce que nous allons continuer dans un pays où un jeune de quartier populaire peut se faire tuer pour défaut de permis? Est-ce que nous allons continuer dans un pays où des familles, des mamans doivent expliquer à leurs enfants, dès qu'ils ont 9 ans, dès qu'ils ont 10 ans, qu'il faut surtout ne jamais répondre à la police parce que oui, on risque de les tuer à un moment? Vous rendez-vous compte de quel pays nous vivons si cela continue? Nous devons impérativement rétablir la confiance entre la police et les habitants. Et cela commence par des gestes, et cela commence par faire en sorte qu'il n'y ait pas d'impunité pour des policiers qui auraient tué. Et je vous le dis, heureusement que nous avons eu une vidéo dans le cas de Naël, parce que sinon la situation aurait été bien différente. Et vous imaginez quels auraient été les combats de version, puisque la police a commencé par mentir en expliquant que le véhicule leur fonçait dessus pour des raisons de légitime défense, et que c'est grâce à la vidéo que nous savons que cette première version des policiers était un mensonge. Il faut revenir à la raison. Il faut qu'enfin ce pouvoir prenne des actes. Nous avons proposé un plan de sortie de crise. Nous sommes la seule force politique à avoir mis un certain nombre de propositions sur la table, qui sont des propositions politiques qui permettent de sortir par le haut de la situation dans laquelle est notre pays aujourd'hui, qui respecte non seulement la dignité des gens, mais qui permettent aussi de rétablir une police républicaine sur cette question. Et je vais laisser André vous parler du PJL Justice. Merci Mathilde. Bonjour à toutes et à tous. Alors effectivement, cet examen de texte de programmation de la justice arrive à un point crucial, puisque les gens réclament justice, que tout le monde parle de justice, donc nous y sommes en plein. Alors tout d'abord, vous dire que sur la forme, nous n'avons pas du tout apprécié la méthode qui consiste chaque fois à présenter un texte majeur, ici on parle de justice, en procédure accélérée, Et aussi, comme ça avait été le cas pour le texte de la réforme de la police, avec un article premier qui présente un rapport annexé qui se trouve à la fin du texte, dont on débattra qu'à la fin, mais qu'on nous demande tout de suite d'approuver. Ce rapport annexé donne en fait la vision globale de ce qui va être la ligne de route du ministre de la Justice, et nous ne pouvons pas en débattre dès le début. On nous demande d'en débattre à la fin, alors que c'est ce rapport annexé qui sous-tend tous les articles. Donc il y a là quand même un problème de logique. Nous avons demandé à ce que ce rapport annexé soit examiné en premier, ça nous a été refusé, comme ça avait été le cas pour la réforme de la police, et alors que, en commission de défense, ce rapport annexé, puisque ça doit être une mode de présenter des textes avec un rapport annexé, en commission de défense, il avait été examiné dès le début. Donc ça, c'est sur la forme. J'insiste là-dessus, parce que nous, nous demandons l'abrogation de ce fameux article case 9 qui permet, enfin qui assouplit, on va dire, les méthodes des policiers. Nous demandons son abrogation. Et donc, comme le gouvernement nous montre qu'il peut tout faire en procédure accélérée et dans l'urgence et toujours très vite, ben nous pourrions avoir aujourd'hui la possibilité d'examiner un texte proposant cette abrogation, ce qui serait déjà une bonne réponse politique à la crise que nous connaissons, si on peut appeler ça une crise. Enfin, il s'agit quand même d'une tragédie. Alors, il y a donc deux textes. Il y a le texte organique qui, en fait, comme son nom l'indique, organise la magistrature. Nous y voyons beaucoup de points inquiétants par le recours à la précarisation des magistrats, par le recours à la flexibilité. Il y a aussi un autre point qui nous inquiète, c'est l'article 8. Cet article 8 permet en fait de communiquer au ministre toutes les peines, toutes les plaintes, pardon, des justiciables qui ont été irrecevables, qui ont été jugées irrecevables. Donc ça sera communiqué au ministre, lequel pourra ensuite lui-même saisir le Conseil de la magistrature pour diligenter des enquêtes sur tel ou tel magistrat. Donc il y a une intrusion là qui nous paraît inquiétante et que nous avons dénoncée. Alors ensuite, il y a le gros texte, hein, 29 articles, de la loi de programmation, qui, vous le savez, est annoncée avec beaucoup d'emphase par le ministre de la Justice, annonçant un budget inédit. Alors, autant dire tout de suite que ce budget inédit n'est que de 7,5 milliards d'euros, ce qui représente la moitié de celui de la police. Et donc on voit aussi dans quelle ligne on est, dans quelle ligne on se dirige, vers quelle vision de la société on veut aller, puisqu'on donne plus de moyens à la police qu'à la justice. Et la justice, effectivement, en a besoin de moyens. Nous pensons qu'il en faudrait beaucoup plus. Et surtout, on va s'interroger sur comment tout cet argent va être déployé. Alors, on a très peu d'éléments. C'est ça aussi que nous avons jugé de manière très inquiétante. On a très peu d'éléments sur la ventilation de ce budget. On nous annonce 1500 magistrats supplémentaires. Au départ, 1500 greffiers. Bon, maintenant, c'est 1800. Nous, on considère que avec toutes les suppressions qui ont été réalisées ces 30 dernières années, il en faudrait presque 10 fois plus. Les greffiers et les greffières, vous le savez, étaient encore en grève hier, en grève massivement. Dans ma circonscription, presque toutes, enfin 99% des greffières et des greffiers étaient en grève pour demander des revalorisations de salaires, qui ne sont pas, celles qui sont annoncées dans le texte ne sont pas conséquentes, puisque pour la plupart d'entre elles et d'entre eux, ça correspond à une augmentation entre 20 et 30 euros. Donc ça, c'est pas suffisant. Ensuite, le sujet aussi majeur de ce texte, c'est le problème de la surpopulation carcérale. Alors, évidemment, le garde des Sceaux, le ministre, propose une vieille recette qui est inefficace: construire plus pour en fermer plus, en annonçant 15 000 places supplémentaires de prison. Nous pensons que ce n'est pas une bonne solution. Ce que nous revendiquons, c'est une régulation carcérale. Et là, nous l'avons vu lors de l'examen du texte en commission, juste une petite information, hein, quand je dis que le texte est examiné en procédure accélérée, comprenez ce que ça veut dire aussi, c'est que nous avons dû examiner ce texte en commission en très peu de temps, avec des journées de 12h30 d'examen de texte. 12h30. Donc, pour en revenir au sujet, ce qu'on a vu en commission, c'est que dès qu'on parle de régulation carcérale, nous avons en face de nous le Rassemblement national, la droite, les Républicains et la Macronie qui sont vent debout contre ce que nous proposons. Alors, il y aura quand même un amendement de transpartisan qui pourra quand même être sans doute voté par nous, mais qui est quand même un amendement de repli. Donc, quand on parle de régulation carcérale, on a beaucoup de mal à se faire entendre parce que, nos adversaires utilisent ce que nous voyons aujourd'hui pour dire oui, voilà, il faut tous les enfermer. Et on voit d'ailleurs que, comme l'a dit Mathilde, il y a eu déjà beaucoup de condamnations en comparution immédiate. Il y a un autre sujet qui nous inquiète énormément, comme cela nous avait inquiété lors de la réforme de la police, c'est la surveillance. Alors bon, là, c'est pas généralisé comme dans la LOPMI, mais c'est l'intrusion dans la vie privée des gens, puisque il sera possible avec l'article 3 d'activer à distance tous les appareils connectés. Alors, on comprend bien que la géolocalisation peut être intéressante si on arrive à connecter à distance un téléphone, mais là, on parle de tous les objets connectés. Ça veut dire que toutes les personnes pourront être à leur insu, puisque bien sûr, elles ne seront pas prévenues, surveillées, filmées dans leur vie la plus intime. Et ça nous paraît vraiment très, très, très inquiétant. Ce qui est aussi inquiétant, c'est tout ce qui concerne les perquisitions de nuit, l'extension des perquisitions de nuit. Les perquisitions de nuit sont déjà aujourd'hui ont déjà été élargies aux actes de terrorisme. Et là, en fait, le texte veut revenir sur la période à laquelle on ne peut pas normalement perquisitionner, entre 21h et 6h du matin, pour tout ce qui concerne les crimes sur les personnes. Voilà. Donc, il y a vraiment des reculs. Et nous sommes très inquiets, c'est pour ça que nous avons déposé une motion de rejet pour alerter nos collègues, surtout dans le contexte actuel, parce que la justice est garante de nos libertés fondamentales, de nos libertés et de notre République. Donc voilà, on a commencé hier, on va s'y tenir toute la semaine, lundi prochain, et sans doute encore, toujours très vite. Et je le répète, parce que c'est vraiment très important, le texte le plus important, qui est le rapport annexé, sera examiné tout à fait à la fin, sans doute peut-être, comme il faudra finir le lundi soir prochain, lundi 10, peut-être entre minuit et 2h du matin, dans des conditions qui ne sont plus bonnes pour avoir un vrai débat, et nous parlons de maltraitance parlementaire. Merci. Oui, en fait, le rapport donne la vision globale. La vision globale, c'est la programmation, dans quel sens on veut aller. Donc, en fait, on dirait le diable se cache dans les détails, mais c'est ce rapport, en fait, qui est quand même assez assez important, même s'il n'a pas de valeur légale, quoi. C'est pas la loi, mais nous allons bien sûr l'amender et ferrailler là-dessus. Oui. Vous avez expliqué dans le propos Nina sur votre vision des événements que vous avez pris depuis. Est-ce que c'est impossible de dire ça tout en appelant au calme, peut-être de manière plus efficace, puisque ça me semble vous avoir rendu assez inaudible. Ok, et l'autre question ça complète Allez-y, je vous en prie. Vous avez pointé le fait que le corps présidentiel, vous avez mis en cause là-dessus, sur l'absence d'appel au calme d'autres. Et mais Fabien Roussel l'a fait aussi ce matin. Est-ce que vous avez une réponse à lui apporter? Il a dit je dis ce qui arrive de Jean-Luc Mélenchon et des députés qui ont refusé d'appeler au calme. Alors, la première, pour répondre à la question sur la question de l'appel au calme, comme ils aiment à le dire. Alors déjà, je pense vous avoir prouvé dans mon propos liminaire que l'appel au calme était à géométrie variable, notamment vis-à-vis de l'extrême droite, sur lequel ou de 10 syndicats de police qui ont des mots incroyablement durs en expliquant qu'ils sont en guerre contre une partie de la population, sans que personne ne réagisse du camp du côté macroniste. De même, vous noterez que vous pensez, alors peut-être en surestimant un peu notre pouvoir, que notre parole a plus de poids que celle de Mbappé, que celle de la grand-mère de Naël qui a appelé au calme. Et ce que nous disons, c'est qu'il n'y aura pas de retour au calme s'il n'y a pas de justice. C'est ce que nous n'avons eu de cesse de dire. Vous pouvez faire des incantations à tout va, avec des gens qui ne cessent de, par ailleurs, mettre de l'huile sur le feu. Mais tant qu'il n'y aura pas de réponse politique, alors vous aurez une situation qui est en quelque sorte incontrôlable sur ces questions. Donc, moi je veux bien qu'il y ait en quelque sorte un jeu politicien de nous mettre en cause sur cette question en expliquant que la France insoumise est responsable de tout. Je n'ai qu'une seule réponse à dire aux macronistes. Si la France insoumise est responsable de tout, alors laissez-nous le pouvoir parce que je pense que nous ferons bien mieux que ce qu'ils sont en train de faire et que ça permettra justement de réouvrir quelque chose qui réunit le pays plutôt que de le diviser sans cesse. Quant à Monsieur Roussel, je n'ai certainement pas envie de commenter une énième sortie qui est faite. Je me rappelle que Monsieur Roussel était devant l'Assemblée nationale avec ces mêmes syndicats de police que je mets en cause aujourd'hui, qui disaient « le problème de la police, c'est la justice », alors que l'Assemblée nationale était en train d'examiner un texte justement sur la question de la justice. Donc je crois que je n'ai aucune leçon à recevoir de Monsieur Roussel sur ces questions, et que, y compris ce qui a été fait pendant des années, de ne pas dire qu'il y avait un problème avec l'institution policière et la manière dont on utilise l'institution policière. Je le dis parce que c'est incroyable comme on arrive à nous repeindre en anti-flics. Nous ne sommes pas anti-flics, nous ne sommes pas anti-policiers. Nous avons un problème avec la police telle qu'elle est organisée aujourd'hui par le pouvoir, telle qu'elle est instrumentalisée aujourd'hui par le pouvoir. Écoutez, l'ONU, ce n'est pas la France insoumise. Rendez-vous compte quand même. L'Organisation des Nations Unies qui ne cesse de dire qu'il y a un problème avec l'institution policière. Expliquez-moi, hein, si c'est la France insoumise qui est à l'ONU, je serais très intéressée de le savoir. De même sur le Conseil de l'Europe, de même sur les différents comités consultatifs sur la question des droits humains, de même que toutes les associations sur la question des droits humains. Donc on peut discréditer comme on veut la parole de celles et ceux qui lancent l'alerte, mais à un moment il faut entendre cette alerte. D'autant plus quand il y a eu 2 morts pour refus d'obtempérer, parce que je rappelle qu'il y a un jeune de 19 ans qui est mort 15 jours avant Naël, et que comme il n'y a pas de vidéo, nous n'en avons pas parlé, personne n'en a parlé. Il faut traiter les problèmes à leur cause, à leur racine. C'est ça ce qu'on attend de responsables politiques, et c'est ce que nous essayons, nous, de faire en proposant des solutions et des actes qui, eux, contribuent, je crois, à l'apaisement. Eric, tu veux rajouter un petit mot avant qu'on parte ? Vous avez des contacts avec certains syndicats policiers? Ça nous arrive d'avoir des contacts, oui, bien sûr, avec Noé, pour une bonne raison, je vais vous dire. On a des contacts avec la CGT Police, on a des contacts. Maintenant, le petit problème que nous avons, très clairement, et c'est ce que Mathilde essayait de vous décrire, et sur lequel il faudrait s'en alarmer, c'est que malheureusement, il y a une course à l'échalote vers une extrême droitisation, aujourd'hui, des syndicats dits policiers, enfin des 10 syndicats policiers. C'est ça le problème que nous avons. J'ai l'impression que vous relativisez, c'est très étonnant que dans la période que nous venons de vivre, c'est que le haro sur France Insoumise, parce que nous avons juste dit une chose, c'est que l'apaisement que tout le monde souhaite, on vit dans les quartiers, on est représentant des quartiers. Donc quand des magasins sont pillés, quand des biens communs sont attaqués, d'ailleurs je vous remarquez que, à mon avis, les paroles de Jean-Luc Mélenchon pour... dire et demander que les biens communs soient préservés ont été, à mon avis, plus efficaces en termes concrets que je ne sais quel appel au calme vis-à-vis des personnes qui pratiquaient ainsi, mais je suis très étonné que ça soit ça qui soit le plus fort, ce qui devrait tous vous animer et vous inquiéter. C'est un appel factieux de syndicats policiers, c'est ça qui devrait vous inquiéter en la période. Enfin, on a des syndicats policiers dont l'un est majoritaire dans la police, qui fait un appel à une guerre civile, qui explique qu'il faut s'en prendre aux nuisibles. Et vous, très franchement, vous traitez ça, mais d'une manière, anecdotique. Enfin, c'est ça qui devrait vous inquiéter. Parce que ça a une signification, je voudrais vous le rappeler. C'est que nous, ce que nous disons aujourd'hui, c'est que c'est syndicats qui dictent leur politique à Beauvau. Et s'il y avait besoin d'une preuve, je vais vous la donner, il y en a deux exemples. Il y a M. Castaner, il y a 2 ans, qui a appelé à remettre en question la clé d'étranglement. Il y a les syndicats de police tout de suite qui se sont exprimés en disant, en gros, on va voir ce qu'on va voir, et je doute que M. Castaner donne la position du gouvernement. En 2 jours, il a été débarqué. 2 jours, il a été débarqué. Et il y a eu un autre épisode, c'est qu'ici même, dans une commission où j'étais, M. Darmanin a expliqué qu'il y avait 7 péchés capitaux, et a commencé à parler malgré tout, je sais, je l'avais noté, j'avais noté même l'évolution, qu'il y avait peut-être un problème de formation à la police, que peut-être qu'il fallait quand même s'interroger sur l'indépendance de l'IGPN, même si pour l'heure il n'y était pas favorable, mais que la porte était ouverte, et je ne sais plus quelles autres situations. Quelle a été la suite par rapport à ça? C'est très étonnant. C'était après la question de Michel Zecler. Quelle a été la suite? Est-ce que vous vous rappelez qu'il y a une suite? Est-ce que vous vous rappelez que la formation a été augmentée, que l'IGPN soit devenu indépendant? Non, il n'y a eu aucune. Parce que nous avons un problème de fond, et avec des politiques de droite, d'extrême droite et macronistes qui courent derrière, c'est qu'aujourd'hui, il y a des syndicats, j'appellerais ça plutôt des groupes factieux policiers, qui sont en train de dicter leurs lois à Beauvau. Et moi, figurez-vous, pour les libertés publiques et pour la suite, ça m'inquiète fortement. C'est ça dont vous devriez parler, au lieu du fait que nous expliquons que pour qu'il y ait un retour à l'apaisement sur le long terme, parce que tous les uns et les autres, ce que je remarque, c'est que vous êtes en train de dire que 2005, oui, c'est à prendre en considération. Il s'est pas, enfin, à l'époque, moi, je me rappelle que tout le monde expliquait que c'était des émeutes qui n'avaient pas de sens, etc. C'est rétroactivement on a commencé à donner un sens à 2005. Et au lieu de que lorsqu'un mouvement dit pour qu'il y ait un apaisement, que nous souhaitons, mais il faut qu'il y ait des réponses politiques, ce qui a été apporté aux Gilets jaunes, je peux marquer, hein, qui pourtant avait paralysé le pays, bloqué les routes du pays, eh bien, vous passez à côté, à mon avis, de la vraie information, c'est qu'aujourd'hui, on a une extrême droitisation de représentants de la police qui dictent leur loi à Beauvau. Voilà, moi, c'est ça qui m'inquiète le plus, et c'est à ça que vous devriez vous atteler. Merci. Il y a un peu de débat qu'a demandé Patrick Tanner, là, au Sénat. Nous aussi, on a demandé à la Première ministre un débat au titre de l'article 50-1. J'ai reposé la question de nouveau à la Première ministre hier lorsqu'on était à Matignon et nous n'avons aucune réponse sur cette question. Et je pense que, pour l'instant, c'est un refus d'avoir un débat qui permettrait d'être en transparence et pas un débat à huis clos comme nous avons eu hier avec en plus une Première ministre qui choisit à qui elle donne des réponses ou à qui elle n'en donne pas. Si tu t'en irais, si tu me laisserais seul au monde, des fois t'aurais eu connu quelqu'un que t'aimerais encore mieux. Si tu t'en irais, si tu serais plus ma blonde, si des fois tu m'aimerais plus, ah qu'est-ce que je serais malheureux. Car depuis le jour où tu m'as dit que tu m'aimais, moi je suis fou de toi. Et si des fois tu m'aimerais plus autant, y aurait quelque chose du zéro au fond de moi. Si tu t'en irais, si t'abandonnerais ma vie, si tu voudrais t'en aller dans les bras d'un autre cœur. Si tu t'en irais, laissant nos âmes désunies, si tu tenterais d'oublier, je ne ferais que verser des pleurs. Car depuis l'instant de l'heure où nous fûmes amoureux, moi j'hume avec mes yeux